connais pas toutes. Hein. Ah bah voilà, merci. Alors que Tal, Anthony, tu les connais. Et Tal, chante une chanson de Tal. Une chanson de Tal, j'aimerais trop que je chante une chanson de Tal. Ah vas-y. J'ai trouvé, fait plaisir. Ah, j'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Tal, c'est pas mal. J'aime trop sa voix, c'est fou. Voilà, calme-toi, frérot. T'as une érection, quoi. Anthony, attention. Merci, Anthony. C'est chaud. Elle transmet en fait de l'émotion, elle transmet de la joie et tout. Non, c'est beau. Anthony, non. Ah ouais. Merci. Je t'aime. Ça, c'est ta pilule. Oh, non, je vais tomber enceinte. Anthony, on t'aime, on va te faire un cadeau, raccroche pas. Bisous, Anthony. Merci bisous, beaucoup, Anthony. Je vous aime trop et bonne année 2019. Bisous, Anthony de Montauban. J'adore Montauban. Ah ouais, pareil, ça tue. Ça tue, ça piaque et tout. Plus précisément, Kossad. Ah ouais. Non, non, c'est sympa ça. À côté de la poste. Vers l'église. Non, à côté de la poste, pas loin de l'église et près de la gare. Et du c'est cordonnier. Il y a la mairie là-bas. Il y a un petit boulanger. Je vais vous laisser un petit défi de parler à quelqu'un du sud pendant quelques minutes. À qui? À tous. À tous. Ah. Tu veux qu'on parle avec l'accent? Vas-y, bah, j'y aime. Ah bah, oui. Voilà, moi je suis là, j'ai pas besoin de forcer, j'ai une putain d'accent. Hein. Voilà, c'est fait, on va pas abîmer nos amis du Sud qu'on aime très fort. Ah bah, ouais, oui. On les embrasse tous. Vous avez entendu, mais parler ma mère tout à l'heure qui est venue. Oui. Non, parce que ma mère est venue, je t'explique, Anthony. Très bel accent. L'accent du Sud, terrible. Très bel accent. Ah bon? J'ai pas capté. Ah, moi non plus, j'ai pas capté. Bonjour, mais j'ai pas capté. J'ai chocolatine. Mais attends, j'ai cramé direct. T'as cramé, ma mère, elle est de Fonsorbe. Tu connais Fonsorbe? Ah putain, je connais Fonsorbe. Mais j'ai des chocolatines en fait. Et en plus, elle a les expressions du Sud. Et elle adore la saucisse de Toulouse. C'est vrai. Ah, la vraie saucisse de Toulouse. Non, mais on peut plus. Sans regard. Comme il parle de sa mère. Oh, non, mais c'est elle vrai, adore Toulouse. La saucisse de Toulouse. Elle a pas été à Montbéliard, hein, tu vois. Elle va kiffer ça. C'est dégueulasse. T'es horrible. Réaction énergie. Bisous, Anthony, je t'aime. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, bon, et bah, et bah. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, ah. Tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir, yeah. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu mic. El coco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres se la refile ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh ouais, en direct. Mais merci. Il est sérieux, lui. Merci, merci d'être là, t'es un amour. Les amis, c'est la patate chaude. Tout le monde se la refile ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Attention aux sylvains non protégés. Ceci est un message de prévention. Les amis, la patate chaude est tombée. Vous êtes là, vous avez fait le 0800 70 42 48. Jonas ! Ouais. Salut Jonas ! C'est pour qui mon Salut. Jojo ? C'est pour Sarah. Ouais ! Ah, il vient de changer. Ouais. Ah, mince. A priori, il était pour Sylvain. Très bien. Ethan, t'es pour qui ? Pour Julien. Allez, c'est pour plaisir, poteau. Bon, ben. Arnaud, tu es pour. Good morning, la team, you ricochet! Oh, come on! Wake up! What's up, guys? Hey! J'avais choisi Sarah! Du coup, t'es pour Sylvain, moi, Arnaud! mais j'ai pas choix! Sylvain, fous-moi le feu quand même! Hein. Ah, ouais, t'inquiète, ça va bien se passer! On y va, c'est parti, patate chaude, top! Une minute! Sarah! Non, et J-Style! Ah oui, J-Style! Ah oui, J-Style! Oh, J-Style! J-Style est un joker. Ah, je dis joker, c'est lui qui répond si vous ne savez pas, ok ? Ok. En plus, il va tout savoir, il est trop fort. Oh là là. Top, c'est parti, Sarah. Dans quel pays aura lieu la Coupe du Monde féminine ? En France. Joker. Bonne réponse, en 2019. Quel événement historique fêtera ses 30 ans le 9 novembre, mon Sylvain ? Le Stade de France. La chute du mur de Berlin. Quelle compétition de handball aura lieu en 2019 ? La quoi ? Quelle compétition de handball aura lieu en 2019 ? Les chemins du monde. Bonne réponse. Wow. Attention, JM, quel film parlant d'un père qui a marié ses filles à des garçons de différentes origines qu'on a fait aura Dieu. Bonne réponse. Trop bravo. Bien. Attention, Sarah, quel film parlant d'une guerre spéciale sortira son 9e opus en 2019 ? Facile. La guerre des boutons. Oh. Toi, t'as un gros bouton, toi. Dans quel pays Jair Bolsonaro prendra son poste au 1er janvier ? Djerba. Non. Au Brésil. Utilisez J-Style en joker. Quel sommet politique aura lieu du 25 au 27 août prochain en France ? J-Style. Joker. Oh, il est nul le joker. Je passe. J-7. Dans quel sport le Japon organise-t-il la Coupe du Monde, Sarah ? Quoi, répète ? La Coupe du Monde, dans quel sport le Japon organise-t-il la Coupe du Monde ? J-Style, joker. Rugby. Bonne réponse. Ouh, attention, Sylvain, quel pays quittera l'Union Européenne le 29 mars 2019 ? L'Angleterre. Mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Bah quoi ? Qui a perdu ? Fini à Sylvain. Qui a perdu ? C'est Sylvain qui a perdu. Sylvain, t'as perdu. Ah, merci, Sylvain. Tu es sérieux ou quoi ? Bravo, sort. Mais c'est quoi ? Je suis désolé. C'est pas moi ? Mais c'est quoi ce régisseur là ? Ce régisseur, déjà, c'est pas un régisseur, c'est un réalisateur. Sors, je vais rentrer chez lui tranquillement, Sylvain. Tes menaces ne paieront pas. Il est fou, ce mec. Sors, il fait, pour vous dire, il fait 1,60-55 kilos. Mais non, mais j'ai même pas entendu le sors, boom. Le boom. Sors, je t'emmènerai chez toi. Il met les mains là, il a tout qui tremble. Mais lui, tu sais quoi ? On l'a cassé pour Quasimodo. Oh là il là était là. Trop moche pour Quasimodo. Ouais. Même pour Shrek, c'était limite. C'était pas l'Angleterre. Mais non. Sylvain, t'es éliminé. Attention, Sarah contre JM. Oh, à tout moment, vous utilisez le joker J-Style. Arnaud. Qu'une fois, le joker. Non. Arnaud s'est perdu. À volonté. Non, c'est qu'une fois le joker, Rico. Désolé, Arnaud. À volonté. Ouais. Vas-y, prends-moi à volonté. Il adore ça. Top, Sarah. Quel rappeur souhaite organiser un combat de boxe pour mettre fin à leurs problèmes ? Les deux OBA. Et Booba et Caris. Bonne réponse. Attention, JM, qui sera le maître de cérémonie des Césars le 22 février prochain. Oh. Ah là là, le 22 février prochain, c'est pas Manu Payet, J-Style. Non. C'est pas Jérôme Coander. Non, Cadmerade. En Chine, de quel animal 2019 sera l'année ? Le porc. Ta merde. Mauvaise réponse. Quelle artiste américaine a annoncé un album pour 2019 ? Une artiste américaine ? Une meuf, très connue. N'importe qui. Britney Spears ? Non, Rihanna. Rihanna. Quel film d'horreur met en scène une poupée maléfique ? Sortira son troisième opus ? Non, Annabelle. Ah putain, sa mère. Oh, JM, quelles seront les élections organisées en France le 26 mai prochain ? Les européennes. Bonne réponse. Vas-y. Sarah, quel pays d'Amérique votera une nouvelle constitution le 24 février prochain ? Tu l'as ? Non. Washington. Cuba. Attention Sarah, j'ai plus de questions, je te repose les mêmes. Vas-y. Dans quel pays aura lieu la Coupe du Monde féminine ? En France. Attention JM, quel événement historique fêtera ses 30 ans le 9 novembre 2019 ? La chute du mur de Berlin. Bonne réponse. Vas-y. Sarah, quelle série impliquant des braqueurs aura droit à sa chute? Casa des Papels. Bonne réponse. JM, quel film? Ouais, j'ai gagné. Il est chelou ce truc. C'est pas le même que d'habitude. Non, c'est pas, on s'en fout. La Casa des Papels, il n'y a pas possible. C'est gagné pour Sarah. Oh, merci. Moi, j'ai pas perdu au premier tour, ça me va. C'est Jonas qui l'emporte. Ah ouais, on va prendre Jonas au téléphone, mon Jonas. Jonas, c'est gagné. Oh, Jonas. Désolé, Tan. Je comprends plus rien, moi. Ah bah t'as gagné, c'est tout. Bah oui, t'as nous gagné. Aussi, je t'explique. Sarah. Oui. Bonne année, plein de bisous, Sarah. Hein. Merci. Et moi, j'ai plus de la gueule. Non, mais normal que je dis merci à Sarah. Hein. Ah, mais attends, ouais. Le Japon, c'est moi. C'est vrai. Avant match sur Energy. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night, she's screaming. I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night, she's out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes. 'Cause she messing with your head. But a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Se met sur son 31. Pour vous faire passer la soirée de l'année sur Énergie. Eh oui les amis, ça y est, on se confesse. 0800 70 42 48. Vous avez péché en cette année 2018. L'abbé Rico. Ouais, enfin il est beau l'abbé. Hein. Ah ouais. Franchement, je ne mettrais pas à copier là-dessus. L'abbé, c'est quoi, on dirait l'abbé de fleurs. Ouais. L'abbé Rico vous écoute. Benjamin, notre auditeur, a-t-il quelque chose à se confesser en cette année 2019 qui vient d'arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire, Benjamin, pour te laver? Sincèrement, il n'y a rien qui me vient. Rien, t'es net, t'es propre. Pour l'instant, bah écoute, non, j'ai fait des bêtises, mais. Quelle est la bêtise, là, tout de suite, pam, qui te vient à l'esprit? Il y a un dos? Ouais, j'étais avec un pote, on faisait. On toquait aux portes des gens, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, mon ami, il a traversé la route et il y a une voiture qui est arrivée. Non. Ouais. voilà quoi. Ça a blessé, non. Et la femme elle a voulu porter plainte contre lui à cause de ça, alors que bah c'était des jeux de gosses quoi. Ouais, c'était Halloween quoi. Bah ouais. Tu n'as pas fait ça, non mais ce jeu là moi j'adore. Ouais. Moi je peux passer la soirée. Il a mangé à la paille pendant un an. Hein. Oh, putain, ah ouais, la mâchoire et tout. Ah ouais. Putain, la mâchoire, c'était la mâchoire. Ah ouais. Ah la mâchoire, c'est terrible. Sylvain, toi tu t'es cassé 7 fois la mâchoire. Ouais, non, 6 fois. Déjà pas mal. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est 7 fois, frérot. Ouais, 6 fois, ouais. Parce que toi, t'étais champion de MMA. Ouais. Et du coup, la mâchoire, elle a. Eh ben, en fait, ouais, j'ai des plaques au niveau du. C'est pour ça que des fois, on rigole, mais il a des problèmes de diction à cause de ça. Ah, j'allais dire, c'est pour ça que tu bafouilles. Il bafoue. Ouais, des fois, ouais. Parce qu'en fait, j'ai des plaques au niveau de la mâchoire et tout. Et c'est relié avec des vis et tout. Et voilà, j'ai un peu la mâchoire un peu décalée, quoi. Il passe pas le portique à l'aéroport. Ah ouais, ça sonne. Ça sonne. Ah ouais, ça sonne. Non, ça sonne. Ouais, ça sonne. Putain, c'est ouf. Allez, c'est ouf. Mais quand tu fais des gâteries à tes conjoints, tu fais comment ? J'ai pas osé. Ah bah des fois, j'ai la mâchoire un peu bloquée. Quoi. Non, ils demandent le carnet de santé. Ils ne sont pas vaccinés contre le tétanos, il y va pas. Non mais c'est ouf. T'as un péché toi, mon Sylvain, cette année ? Eh bah écoutez, je suis parti un peu, je suis parti en vacances au Maroc. Ah ouais. Cette année là. Là, cette année là, je suis parti. Il y a deux jours. Cette année, enfin pendant les vacances de Noël. Et en fait, je suis parti parce qu'en fait, ma mère voulait venir à Paris. Pour Noël, avec toute la famille. Pour Noël. Et donc, bah, tu me connais, moi je suis un peu dans l'économie, quoi. Donc je savais qu'il fallait que je paye les cadeaux pour la mère. Le bâtard. La mère, ma soeur. L'hébergement. Les neveux, enfin toute la compagnie, quoi. Toute la SMALA. Et t'as dit quoi ? Bah, j'ai dit que je partais pour un truc humanitaire avec la radio. Quelle enfoirée ! C'est une honte ! Ouais. C'est une honte humanitaire. Mais je t'ai foutu dans le dos, ça, bien sûr. Hein. Oh non. Ouais. Je dis, c'est que je pourrais pas mentir à ta mère. Donc je connais. Ouais, je sais. Ouais. Et je suis parti. Je disais que j'étais parti au Maroc pour l'humanitaire. T'as mis en scène l'humanitaire ou pas ? Est-ce que t'as mais pris trois mecs avec des. Attends, j'ai ça, je t'explique. Il est capable d'être allé dans des quartiers difficiles avec deux gars qui avaient des babouches pour faire un selfie. Eh oui, c'est ça. Ouais, il l'a fait. Hein. Ouais, j'ai envoyé quelques photos à ma mère pour dire que faut bien justifier le. Mais pas celle sur le quad par contre. Hein. Non, non. Ça, tu l'as gardé pour toi. Non. Mais t'as lâché un billet au moins. À qui ? Bah, aux gens en difficulté. Mais rien. Si, mytho tout à l'heure, il m'a dit il a lâché 2 centimes. Non. À une femme, 2 centimes. 2 centimes, c'est plus, très grave. C'était 2 euros. Non, mais là-bas, 2 centimes, c'est lourd. Hein. Non, j'ai donné à manger et tout à des gens. Non. Oh, le mytho. Le petit déj que je vous fais. Pourquoi pas. J'ai envie de vomir. Moi aussi. Pourquoi j'ai envie de vomir ? Est-ce que tu peux lui raconter quand même pour que vraiment J-Style comprenne la radinerie de Sylvain ? Ce qu'il a fait quand on allait faire un concert à Angers, à Trélazé. Ouais, en fait, on avait un NMT que tu connais, J-Style. Ah oui, grave. C'est événement j'en de fais ouf. Beaucoup. Ouais. Tu connais, toi, t'es partout. Et en gros, on va là-bas, on prend la voiture, et au moment du midi, je dis à Sylvain, écoute, on a 10 euros par énergie ou 15 euros, on va être remboursé de ce qu'on consomme. Donc tu prends ton ticket, je te rembourse. Le mec a piqué une colère noire. Ah oui, attends. Et il m'a dit, attends, on part en déplacement, je dépense pas un copec. Il a pas bouffé. Il a attendu le catering de 20h pour bouffer. Ouais. Parce qu'il a dit, j'avance pas d'oseille. L'oseille remboursée. Ouais, après, t'as vu, je suis affûté. Ouais, je comprends. Il est pas affûté, il est maigre, c'est tout. Je rejeune tout le temps, moi, en fait. Il est con, la brade sur énergie. Where to love, put down in the air. hurt, to the earth. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into. C'est le nouvel an du Rico Show. 10 heures de kiff, 10 heures de délire. Bref, 10 heures d'antenne non-stop. Bonne année à tous sur Énergie. Yes, on parle des confessions. Sylvain s'est confessé et c'est sale. Sarah, c'est à ton tour. Confession 2018. Alors, bon, je profite que mon mec dorme. Sinon, je n'aurais jamais fait cette confession. Il dort avec Ruby. Il dort que la veille. Hein. Une escorte. Il y a une meuf qui s'appelle bien connue, Candy. Tu crois qu'il y a une pige quand même. Il y a toujours une meuf qui est un peu coquine qui s'appelle Ruby. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est chelou. Il n'y a pas une meuf un peu saine qui s'appelle Ruby. Ouais. Ou Émeraude. Ouais. Ou Émeraude, n'importe quoi. Émeraude, c'est. Qu'est-ce qu'il raconte? Émeraude, lui, il est fou, lui. Émeraude. Tu donnes le nom des clubs où tu vas. Ou des sites. Il y a quoi comme. Les noms des meufs un peu. Sandy. Ouais, Lola, Sarah, ouais, Lola, Priscilla, Sarah. Oh. Sarah ouais, pas toutes, hein. Pas toutes. Jenna. Jenna, bah, Jenna. Ah merde. Ouais. Priscilla, il y en a plein. Priscilla. Ah ouais, Priscilla. Allez, go. Mais les noms, c'est des meufs qui arrivent. Lena. Kate. Ça fait cake, hein. Y a pas Diamant. Non. Diamant. Shine bright like a diamond. Mais James, mais non. Ouais, non. C'est tout l'inverse. Pearl. La boulette. Pearl. Ah ouais. Pearl, c'est chaud. Pearl, mais tu sais, jeu de mots. Perla. Tu fais des striptease à l'international, toi. Clara. Oh, ouais, Clara. Ah bah oui, forcément. Emmanuel. Ah oui. Ouais, d'accord. Ouais, si. Emmanuel. C'est à l'ancienne. Ouais, bah Emmanuel. Oui, parce qu'il y avait des films érotiques. Le premier film érotique qui s'appelait Emmanuel. Lali. Ah ouais, Lali, bah ouais. Brigitte. Brigitte, maintenant, pourquoi tu penses toujours à la meuf du président? Ouais, c'est sûr. Ah, c'est mort là. Elle a niqué le prénom de Brigitte. Nina. Ouais, mais Nina, oui. Ouais, de ouf. Nina. Lisa, un peu, ça fait coquine. Pourquoi tu sais tous les noms à deux voix, à deux syllabes et un A beaucoup. C'est vrai. Oscar. C'est mais bon, parce que Oscar. C'est César. C'est opéré. Il a pas voulu changer de prénom. Attends, Vicenta. C'est non, le mec entre deux. Bien sûr, Vicenta, il est entre deux. Il veut te le faire savoir. Ouais. Mais si tu veux, tu peux être dans le déni. Ouais. C'est comme Roberta. Vicenta, c'est voilà. Tu vois, c'est le flow du. Ouais. Bref, on était sur quoi? Les confessions. Sarah. Alors, le truc sale. Alors. Dis que t'es un mec. Il m'est arrivé. Fleur. Non mais Fleur ça va, c'est gentil. Ouais, Marguerite. Du coup elle s'en sort. Faut juste l'arroser quoi. Non mais il m'est arrivé. Ah. On dirait Sylvain. Ouais, grave. 82 000 faut la butiner. Alors. Vas-y Fleur. Mais il est malade. Butine. Bon, il m'est arrivé. Ouais. À quelques reprises. Mais pas non. Tout le temps. Quand mon mec dormait, de me mettre. Oula. Sur un petit site internet. À côté de lui, dans le lit, petit peu coquinou, mais rien de grave, mettant en scène deux charmantes demoiselles se faisant des massages. Elle est sur les meufs depuis longtemps. Il va être le mec le plus heureux du monde alors. Alors, sauf qu'elle est pas bête. Hein. Non, mais T'es fou. Je me pose des questions il y a deux jours et je l'ai dit ça à mon mec. J'ai rêvé de la comédienne Sabrina Ouazani avec qui on faisait du frottis. Frottis genre au labo d'analyse. Imagine, ah, la bombe faisait un frottis. La frottis, j'ai un gros coton-tige. Elle me faisait un frottis. Elle était gynéco. Elle était regardait les analyses. Attends, Jay est affirmé. Oui, alors parlons-en. Non, mais les filles, 70 ou 80% des femmes, on regarde des, quand elles regardent des films ou des sites, c'est des nanas. C'est des nanas. Ouais. Ouais. Ouais. Non, on a, de ouf. Enfin, moi, j'ai vu une étude. Un grand spécialiste, mon ami. Grand spécialiste. J'ai vu une étude hyper sérieuse. Ouais. Les 18-44 ans, d'accord. Donc, si vous nous écoutez, ouais. 33% de ces gens-là, femmes ou hommes qui sont en couple, ouais, sont en couple avec des personnes du même sexe. C'est-à-dire qu'une personne sur trois, d'accord, âgée entre 18 et 44 ans, sont homosexuels. 33%. Au contraire, mais c'est pour dire que c'est la société. C'est une tendance. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est plus une tendance, là. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est un mode de vie. C'est des relations qui sont aujourd'hui voilà, classiques, quoi. En couple ou avoir une relation? Non, en couple. Les gens qui sont en couple. 33%, c'est énorme. 33%. Un couple sur trois, âgé entre 18 et 44, c'est pas une vanne, sont en couple avec une personne du même sexe. C'est dingue. Pour dire qu'aujourd'hui, quand tu vois des gens qui rejettent ça, qui ont du mal avec ça, c'est juste une relation classique. Bien sûr. Hein. Alors, ce qui fait baisser un peu le pourcentage de ces relations homosexuelles, c'est les anciens qui sont pas encore machin. Mais la nouvelle génération, je vous jure que c'est à balle. Ah ouais, non, mais carrément. Mais à la crèche, moi, quand je vais chercher mon fils, les bouquins, etc. Non, je te jure, les bouquins, ça parle de petits oiseaux et de deux hommes oiseaux ou de deux femmes oiseaux qui s'aiment, etc. Et les deux colombes sont ensemble. Oui. On verra le nom de la crèche. J'en ai pas mon fils. Non, mais c'est chou. Mais Sarah, toi, t'es à fond sur de plus en plus meuf à meuf. En fait, depuis, et alors, je te jure, c'est pas une blague. Bon, depuis toujours, mais encore plus depuis que je vous connais. Et je te jure. Oh là là. Non, mais les rêves que je fais avant, j'ai toujours fait des rêves comme ça, surtout sur Jennifer, la chanteuse. Et Diams, un jour, j'étais folle amoureuse d'elle dans la mon boulette. Rêve. Ouais. Mais j'étais amoureuse de dingue. Et mais depuis que je vous connais, les mecs, bah, je te jure, hein, si j'aimais pas la folie mon homme et que c'était pas le meilleur du monde, bah, je serais peut-être avec une meuf. Mais t'as pas peur qu'un jour... Il y a un message quand même pour vous, là, les gars. Ah, ils m'ont dégoûté des mecs. C'est sévère, quand même. Ouais. Bon, bah non, mais c'est que... Attends. C'est qu'on est des porcs. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas peur qu'un jour, ton mec devienne jaloux? Ah. De Dadju. Si. Bravo. Jette mon Watt depuis tout à l'heure pour qu'il en fasse. C'est jaloux, c'est pour ça. Quoi tu t'attendais? Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. C'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. tiens mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je suis jaloux, je suis jaloux. Même si j'ai confiance en toi. Pour les 10 heures d'antenne sur Énergie. Eh oui les amis, vous venez. Faites avec vous le nouvel an. Coupe-le, c'est bon. Coupe-le, allez, comme la je m'y ferai jamais. 0870 42 48, c'est les confessions du Rico Show. Ouais. Les amis, avant d'avoir la confession de J-Style, de JM, on a Amandine qui veut faire une confession. Ça va Amandine? Ça va et vous le Rico Show? Salut Amandine. Quelle est ta confession ma Amandine? Moi ma confession c'est de partir vivre au Pays Basque. Ah ouais? Oh, ce qu'a dit? Oui. Non, ça va être du côté de Biarritz, au BAB. Biarritz, Bayonne, Anglette. Ah, c'est sympa. Cool. Ouais. Ah, pourquoi c'est. Je suis tombée amoureuse de ce département quand j'ai parti en vacances. Tous les étés, je pars là-bas en vacances et je tombe amoureuse. Et, ah, t'as fait les fêtes de Bayonne? Ouais, tout à fait. Bayonne, Bars. Chaque été, pas chaque été, mais j'essaie d'y aller au moins une année sur deux. Après, attention. Profiter. Là-bas, les gens sont tellement gentils. Ah ouais. Oui. Franchement, par de ce contre, côté-là. Ils ont vraiment le cœur sur la main là-bas. Ah. Ouais, il n'y a pas de triche. Moi, j'ai trouvé que là-bas, les gens étaient formidables. Mmh, mmh. Non, Jesta, toi, dis-toi. Ouais, je joue beaucoup adorable. Là-bas. Adorable. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Sylvain, t'as pas trop, toi, là-bas? Ah, si, le sud-ouest, c'est. Attends, c'est le feu. Je préfère le sud-ouest que la côte est, d'ailleurs. Vers chez JM. Ouais, non, c'est vrai. Je trouve c'est différent. C'est différent. Ils sont moins bling-bling. Ils sont, tu vois, ils sont vraiment. Non, après, vers chez. En gros, dans le sud-est, il y a un peu parce que les parigots, quand ils vont là-bas, ils veulent montrer les tubes. Ouais, non, mais c'est vrai, les mecs du nord, ils veulent trop faire les grossistes. Alors que dans le sud-ouest, tout le monde, je trouve, est à un pied d'égalité. Ouais. D'ailleurs, les fêtes, t'arrives avec ton foulard. C'est franchouillard. T'arrives, c'est chacun à ses codes. Ouais. Alors que vers chez toi, JM. Après, moi, franchement, je suis d'accord avec les mecs de là-bas. Les mecs qui descendent, ils veulent trop faire les choses. Ah, mais de ouf. Mais je pense que voilà, dans le sud-ouest, les types, ils viennent, ils mettent le foulard, comme tu dis. Et s'ils le mettent pas, ben en fait, ils ont l'air de cons. Donc, ils sont obligés de suivre les traditions, tout ça. Alors que quand ils vont du côté de Marseille, de Nice. Ils veulent sortir les levées. C'est exactement ça. C'est un concours de celui qui a la plus grosse. C'est ça. Oh, mais les gars, franchement, à quoi ça sert? En plus, il faut un peu les beaux, ils parlent pas bien. Donc moi ça m'énerve un peu, tu vois, ces gens qui respectent pas tout ça, alors que dans le sud-ouest, et même je trouve que l'accueil, et ça je te le dis en tant que Marseillais, malheureusement, mais l'accueil, il est meilleur je pense dans le sud-ouest. C'est parce qu'il est renforcé par les comportements dont je parle. Exactement. Pour ça, voilà. Alors quand tu vas dans le sud-ouest, chacun est habillé, son foulard, on se fait tous les fêtes de Bayonne, on chante, agent de G, etc. Alors que là tu vas aller à Marseille, je te le dis, ça me rend ouf de dire ça, tu vas aller en boîte. Tu vas regarder un mec de travers, il peut t'en coller une, tu sais pas ce qu'il y a dans la voiture. Mais c'est ça qui est ouf. Il y a une espèce de guéguerre. J-Style qui tourne beaucoup partout. Non, purement, je vais rebondir sur ce que vous disiez, c'est que purement mental, c'est un retour mental. C'est que le fait que tout le monde soit habillé la même chose, déjà, ça met tout le monde au même pied d'égalité. Tu peux venir avec ta grande bouche, etc. Bon. Ça changera pas. Non, oula, c'est le truc de ouf. Ah ouais. Amandine, elle est au max. Moi, c'est pour ça que je suis sur les plages nudistes. Vas-y, moi je confirme, je suis déjà allée à Marseille, j'ai envie de dire, les gens ils regardent de haut en bas et c'est horrible quoi. Parce qu'en fait, dès qu'on parle avec quelqu'un, même en boîte, je l'ai vu, je suis sortie, j'adore Marseille, j'adore Tudy, je suis pour l'OM au foot, je kiffe. Voilà. Je kiffe l'OM, je kiffe Marseille là-bas, j'aime bien. Mais c'est vrai que par rapport au côté Pays Basque, on va là-bas, les gens ils se regardent pas de haut en bas, ils sont sociables, on va vers eux, ils sont gentils comme tout. Ils sont sociables, ils ont le cœur sur la main, ils savent accueillir les gens. Enfin. Non, moi je suis d'accord. Franchement, c'est vrai. Non, mais grave, franchement, moi je suis tout à fait d'accord. Mais après, c'est ça, c'est la mentalité. On est comme ça. Après, je vais pas te dire que c'est qu'à Marseille qu'on regarde autant bas. Malheureusement, quand tu vas dans d'autres pays, moi je sais qu'une fois, de mes premiers voyages, je suis parti en Angleterre. Et tu vois la dégaine des Anglais. Mais ils s'en foutent du style. Personne, et il y a personne qui rejuge, qui regarde et tout. Et en fait, même moi, il y avait quelqu'un qui m'avait fait une remarque de ouf. Je vois un mec arriver un peu extravagant, tu vois, et tout. Je regarde mon collègue. Et je suis putain, mais la dégaine qu'il a, mais naturellement. Et là, il y avait un mec, un Français, mais qui habitait vraiment à Londres. Il me fait, putain, toi, ça se voit que tu es un Français, que tu joues direct sur apparence. Malheureusement, direct, j'ai vu une type un peu sortir du lot. Ah ouais, là-bas, ils s'en foutent. Alors que là-bas, ils sont tous un peu extravagants. Attention, les Anglaises, moi, j'aimerais pas que ma sœur s'habille comme non. Ouais, ouais, elle se maquille beaucoup. Ouais, ouais. Les Anglaises, ouais, ouais. Frérot, je les vois sur les Champs-Elysées, je parle sous ta gouverne, Manchester, toi qui tournes partout. Tu sais qu'en club en Angleterre, les mecs de sécu, c'est pas pour les mecs. C'est pour les nanas. Ah ouais, ah ouais. Elles se foutent sur la tronche. C'est ah ouais. Ah ouais. Après, c'est vrai, les Anglais, tu peux t'embrouiller avec eux, ça va finir par une bière. Ouais, voilà. C'est ça. C'est et par contre, les Anglaises, tu pars en décembre, en janvier, en juillet, elles sont habillées tout le temps de la même façon. Mini-jupe et talons. Ouais. Un truc de fou, tu t'as même sur les champs, tu les trouves, il fait 3 degrés. Ils ont jamais froid. Ouais. Jupe écossaise. Ah ouais, ouais, non, mais jupe écossaise, rien du tout. Non, mais avant dit, je pense que t'as raison. Moi, j'adore le sud-ouest. C'est trop bien. Par contre, je veux vous dire une chose. C'est qu'une fois que je serai là-bas installé pour devant, vous serez les bienvenus à la maison. Oh on va venir, on va venir. On arrive. Bah, c'est quand t'es installé, dis-nous, hein, on va prendre rendez-vous maintenant. Hein. Bah, si tout va bien, j'y serai pour la rentrée de septembre. Oh putain, ah, bah, putain vous voulez dire c'est long, merde. Toi, ouais. Tu peux pas y aller pour les fêtes. Ouais. Tu nous annonces une galère là. Non, et puis peut-être que je commencerai peut-être à m'installer pendant les fêtes, donc ça va être un peu juste. Mais en tout cas, l'année d'après, vous serez les bienvenus. Non, mais les fêtes, c'est énorme. Je suis d'accord avec toi, Amandine. On t'embrasse. Plein de bisous, Amandine. Bisous. Moi bisous. Aussi, je vous embrasse. Bisous, on va te faire un petit cadeau. Jessal, tu me parlais d'une confession cette année. Confession 2018. Alors en fait, j'ai fait un syndrome vaso-constructeur cérébral il y a 5 ans. C'est un AVC à cause d'un médicament que je déconseille vivement. Ouais, c'est un, ça s'appelle Umex. C'est un spray pour la gorge. Purée, j'en mets. Non, mais on va rappeler un AVC parce qu'on a l'impression que tout le monde connaît. Mais alors un AVC, en fait, c'est des contractions qui se créent au niveau du cerveau. Alors c'est soit de la drogue, soit de l'alcool, soit et moi c'était donc un médicament, c'est un, ça s'appelle un vasoconstrictor, c'est ce que tu mets dans la gorge ou dans le nez qui dégage les vaisseaux et qui fait que quand tu en abuses comme j'ai fait moi parce que évidemment je l'ai acheté en libre service donc je l'ai c'est en libre service. Ouais, il en a un GM, tu vois. Voilà ça, ça c'est une grosse connerie toi. Et je l'ai mis dans la gorge. Voilà, et je l'ai fini en 3 jours. Non voilà et puis à un moment donné avec le sommeil en moins etc mais je me suis réveillé avec un énorme coup de pioche sur la tête direction des hôpitaux 2 semaines de coma 2 mois en soins intensifs à Sainte-Anne et mon mea culpa pas Sainte-Anne non Sainte-Anne c'est un spécialiste de tout ce qui est neurologie. D'accord. Donc évidemment il y a des barrés mais ils font pas que ils ne sont pas pour grand chose je crois. Non, la plupart non puis même tu vois moi j'ai vu des trucs bon on en parlera pas là parce que c'est trop long mais j'ai vu des trucs de dingue mais pour revenir à ma confession 2018 eh bien, j'avoue que j'ai oublié l'anniversaire de ma mère. Ah oh non! Et que, parce que je confonds, j'ai 2 sœurs jumelles, je confonds toujours leurs dates, celle 16 et le 19. Ouais. Et ma mère, quand je l'ai appelée 2 jours plus tard, donc évidemment, elle n'est pas contente, et je me suis servi de ma maladie en disant ah maman, tu sais, avec mon AVC. Je confonds un peu les jours. Maman, si tu nous écoutes, de toute façon, tu ne m'écoutes pas parce que tu es en Suisse, mais je t'embrasse quand même. C'est horrible. Voilà. Quelle horreur. Confession. J'aime, confession. Ouais. Ouais, moi, c'était cet été, je fais un truc pas très très bien. On était entre potes, tu vois. On était chez un pote à nous. Et en fait, on était plusieurs. Et à un moment donné, mon collègue, il arrive et il me dit putain, viens, on va faire un tour dans la maison. Oula, ça sent bien. Vous la sentez ou pas? Ouais. J'aime qui se confesse. À mon avis, ça vaut le détour. Oh là là. Venez vous confesser 0800 70 42 48. On est là jusqu'à 6h. I got a melody. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. second to try to catch my breath. My mind is in a mess. You should be on top of this, but you got me on the run. Now I'm tripping on your love. Embrasser sous le Guy. Bah Guy, t'étais pas au courant, c'est mon deuxième prénom. Bonne année à tous sur Énergie. Allez, bonne année sur Énergie. J'en peux plus du Guy. Ah, là, c'est la resta, je te supporte plus, mon Sylvain. JM, ouais. La confession. Donc on part faire un petit tour du propriétaire, tu vois. On est deux, trois dans la bande et on voulait faire un peu de la merde. Ouais. Oh. Et là, on va dans la salle de bain. Ouais. Et pas un truc de non, non, pas sale. Non, pas sale. Non, pas sale. Je crois pas, enfin, tu me diras. Pas mais... un truc de fond. Ouais. J'en avais une autre, mais c'est je te l'ai pas dit, celle-là. Et en fait, on va dans la salle de bain, et là, on voit la tondeuse du daron, un autre pote. Ah. Et qu'est-ce qu'on a fait? On était un peu poilu à certains endroits de notre corps. Non. Alors, on s'est tous un peu épilé les parties intimes. Avec la tondeuse du père qui s'épilait, enfin qui se rasait la barbe. Et il ne l'a jamais su. Il espère qu'il n'y a personne dans la vente. Il paraît que le matin, il sentait la teub. C'est une petite confession. C'est fait voilà, une petite connerie mignonne. Putain, c'est bien, sois plus intelligent, s'il te plaît. Ouais. Merci. Bon, Nicolas est là, il a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Nico? Salut toute l'équipe. Salut. Bonne année. Salut. Alors, oui. Tu fais quoi? Tu déménages ou quoi? Non, je suis en train de défendre aussi mes croissants en même temps, c'est pour ça que je travaille. Oh, tu es boulanger? Ouais. Mais non, ah, fort, fort. Bah, tu bosses demain? Ouais. T'es où toi, Nico? Non, mais c'est jour férié. Oui. Mais non. Ouais, mais bon. Non. Ah ouais, c'est le premier, ça. C'est en qui? Bien sûr. T'es où toi, Nico? À Liévin. Dans 62. Ah oui. C'est bien le 62, c'est dans le Nord. Dans le Nord, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, courageux. Et le patron, il dort ou il fait quoi? Non, mais c'est moi. Ah, bravo. Putain, attends, qui hein? Bravo, fais gaffe. Ça pourrait te manger le croissant. Hein. Mais non, c'est un mec. Non, mais attends, je préfère les miches. Qu'est-ce qu'on fait pour le 1er janvier? Niveau pâtisserie, tout ça. Ah oui, très intéressant. J'ai beaucoup déjà les galettes. Galettes des rois. Ah, c'est la galette des rois? Ah, ça ouais, t'es déjà la galette des rois. Cherche pas la fève, c'est Sylvain. Bon, Nico, confesse-toi. Eh ben, figure-toi que j'ai mangé un chocolat du calendrier de ma fille. Oh non. Ah, mais on l'a tous fait. Non, pas et j'ai accusé sa sœur. Ah, je vais vider, moi. C'est pas le 25, j'espère. Non, pas le 25. Elle a quel âge ta gosse, Nico? Elle a 7 ans. Oh, c'est dégueulasse. C'est horrible. Et t'as accusé la sœur de quel âge? De 4 ans. Oh là là. Oh. Quel... Trois mois avec sursis. Ouais, je l'ai fait qu'une fois. Ouais, c'est ça, ouais. De 4 ans. Bravo, Jetal, tu carottes, toi? Ah ouais? Les chocolats? Ouais. Ah mais non, t'es où? T'as la chemée carotteur. Non. Il carotte des chemées. Il a carotté la chemée à Titeuf. Non, au gars qui a l'appareil dans Titeuf. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle celui-là? Ah ouais, non, le gars qui a l'appareil. Hervé. Eh ben il est lavé. Hervé. Il a sorti son blague. Oui, c'est ça, c'est Hervé. Bon, Nico, tu vas arrêter ça en 2019 ou? Ah, tu vas arrêter. Oh, un petit. Et ta femme, elle dit quoi? Bah là, on a mangé aussi, alors donc. Mais oui, on fait tout ça. Oh, les parents. Ça va. Et t'as pas le syndrome du boulanger, non? C'est quoi? Non, la brioche qui est gonflée, la baguette qui rafraîchit. Ben non, la brioche sur la baguette. C'est ça, le. Bah, c'est un peu ce qu'il a dit, en fait. Ah, je pensais que c'était un bouffeur de miche. On est fatigué, là. On est mort. Nico. Nico. Oui. Qui tu préfères entre Sarah, Sylvain et Gilles? Oh là là. Pas évident, mais. JM. Ah, ça, attention, JM, il a une cote, les il gars. Il a sa petite cote. Hein. Moi, 2019, je sens JM au Panthéon de la baguette. Panthéon de la baguette. J'ai tous les boulangers. Elle a bien entamé sa baguette. Hein. J'ai vu qu'il met un peu de beurre là où il faut. Ouais. Ah, pas que dans les épices. Lui, c'est plutôt une ficelle. Hein, plutôt une baguette. Oh, toi, c'est un gros pain de campagne. Sarah, je vois le plus sur un complet. Mais quelle horreur. Non, sur une bavette. Oh non. Merci, poteau, ça fait plaisir. Non, on sent que tu sens la boulangerie. Nico, on va te faire un cadeau. Tu me dis, tu veux quoi? J'ai coffret Wonderbox. Tu vas jour de rêve. Hein. Ah ouais, énorme. C'est bah, lourd. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dur. Sylvain. Ouais, j'ai évasion sportive. T'es avec J-Style. Et j'ai des casques Buzz. Ouais, un petit casque Buzz. Ah, c'est bon. Bah oui. C'est fort. Bravo. Ça. Bravo. La classe. Ça s'applaudit. T'as des gars, on dirait on a une kermesse. Ouais. Il y a trois gars qui applaudissent, j'en peux plus. Distribuer les cadeaux. C'est pour toi, mon Nico. Venez, 0800 70 42 48. On va faire les confessions. Vous voulez toutes les news les plus ouf Ah ouais. Ben ouais, putain, vous les voulez énorme. Vas-y, ça, on se le fait ça. Ouais. Sarah, et j'ai plus de allez. Voix. Écoute ce son. Écoute ce son. Ouais. N'est-ce pas. Et t'imagines que t'as pas rencontré Mehdi. Et qu'en face de toi, t'as Sylvain. Ah, je vomis. Non, il se met nu et te propose de jouer de la harpe. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself se met sur son 31. Pour vous faire passer la soirée de l'année sur Énergie. Oui les amis, on va se faire la boîte à dodos. Il y a du dossier, mais comme jamais. C'est-à-dire, c'est une boîte où, de façon anonyme, vous mettez un petit papier. Oui. Et on sait ce que vous avez fait. Ça démarre par Sarah. Oula. Et la première phrase de la boîte à dos, c'est: Sarah, ton comeback raté. Autant vous dire qu'il y a du dos. On se fait les news. Allez. Sarah. Oui. Le complexé de l'année, c'est ton chéri Mehdi. Pour se rassurer sur la taille de son sexe. Bah, t'inquiète pas. Ah bon? Et il me l'a montré avant. Genre, je te jure, histoire véridique, je pars, je claque la porte. Ouais. Et là, dans le couloir, il a baissé son jogging. Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu? Et j'étais choquée. Oula! Peut-être 4 mois. Hein. 4 mois? Mais non. Mais je suis pas. Mais je vous charrie. Je suis perdu là. De qui on parle? Non, de son mec. De mon conjoint. Fait, mec, de ton conjoint, t'avais 4 mois que tu l'avais pas vu. Il est circoncis, mais là, ça a repoussé. Je t'explique. C'est faux. Il sort complètement. Il est très bien. On a un mec, en fait, il était complexé. C'est les news 2018, les meilleurs, pour se rassurer, en fait. Il a planqué une caméra dans les WC. Mais non, et non. Il comparait par rapport aux autres. Il faut l'avouer, quand on va dans une pissotière, dans les toilettes pour les mecs, on regarde. Ah, vous regardez, les gars? On met tous un coup d'œil. Non. Bien sûr, on met tous un coup d'œil. Parle pas moi. De ton voisin, là? Bah, moi, le problème, c'est que je suis à 2 mètres de la pissotière. Moi, j'ai un problème. Non, je suis loin. Je fais gaffe que le mec, il glisse pas sur les chaussures. Mais non, mais j'ai ça. T'as jamais regardé la. La top de l'autre? Arrête. Ah non, je suis à la pissotière. Moi, je suis obligé. Juré. Non. Non, mais tu passes pour un vite pervers. Fait, tu vas pas bloquer. T'es pas obligé de jeter un. Pas forcément. Moi, je lance un œil. Sauf si le mec, il est comme on dit, il est vraiment à 1 mètre. Tu vois, si le mec, il est à 1 mètre, il est derrière, il prend du. Bien, j'ai envie de pisser. Oh, je la connais, la tienne. Non, moi, jette un œil pour me rassurer. Ouais. Tu vois, pour dire. Tu vois, il n'y a pas trop moi, de. Moi, je suis à l'aise, mec. Ah ouais, c'est pour te dire, vraiment, Rico. Sylvain, il m'a fait faire un malaise, tu vois. Je suis pas bien. Benjamin, franchement, Benjamin. C'est vrai que je le faisais aussi. Tu le fais aussi? Franchement, on le fait. Tout le monde le fait, les gars. Non, pas moi. Sylvain. Bah, moi, je le fais. Toi, tu fais pourquoi? Pour ridiculiser l'autre? Voilà, pour montrer qui c'est le bonhomme. Non. Sarah, tu le fais jamais? Si, mais nous, les meufs, dans les vestiaires du sport, par exemple, moi, je mate toutes les paires de seins. Vraiment, on se regarde la poitrine. Dès qu'on est nu, on aime bien se regarder. Et tu te sens comment, toi, par rapport aux autres? Avant ou après l'accouchement? Après. Après, niveau poitrine, pas top, je complexe un peu. C'est vrai? Bah oui. Qu'est-ce qu'ils ont été, ça raconte? Bah en fait, vu que j'ai tiré mon lait, ça m'a un petit peu détruit, j'ai l'impression, la poitrine. Du coup, maintenant, au lieu de m'arriver au cou, elle m'arrive au normal. Niveau de la ceinture abdominale. C'est la gravité, hein. C'est normal, Sarah. Gravité terrestre. Après que ton mec t'appelle Milka, c'est moyen. C'est moyenasse. Depuis le temps qu'elle nous en parle, on peut pas faire un truc pour sa poitrine. Quoi? Franchement. Est-ce qu'on montrait pas un litchi? Mais ouais. Allez-y, hein. Ouais. Mais comme il s'est désolidarisé, s'il fait. Non, mais litchi vous, hein. Litchi vous. Litchi, c'est vous, je sais pas. Il veut pas mettre un copex. Non, mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Franchement. De quoi? Bon, ça. Très belle femme. Ouais. Une très belle femme, beaucoup de goût. Alors moi j'adore les femmes qui ont du goût, qui s'habillent bien. T'as beaucoup bu, toi. T'as beaucoup bu, non? Bah non. Après, je suis fan des femmes qui ont les longs cheveux. C'est vrai qu'elle a des beaux cheveux. Et puis, elle a du poil. Elle a du poil. Elle a du poil. Son surnom, c'est Chewbacca. C'est pas faux. Les amis, la vénère de l'année, son mari la trompe, elle se venge en lisant ses sextos le jour de la cérémonie. Ouh là là, c'est fou ça. T'es capable, toi, Sarah, de te venger comme ça, d'aller jusqu'à la cérémonie? Franchement, s'il m'a trompé vraiment salement, ouais, de l'afficher devant tout le monde, toute sa famille, on a payé, ça y est, le mariage. Donc ouais, j'irai jusqu'au comme il est payé, genre il y a la compte. Ouais. En plus, c'est lui et sa mif qui ont payé. Ah ouais, en plus c'est lui qui a payé, donc et là tu l'affiches mais fou. Et tu te fais sexy de dingue pour le mariage. C'est pas vrai. Ouais, et tu l'affiches. T'es capable? Ouais, je serais capable. Mais genre sexy, tu passes à body minute quand même ou pas? À body air. Bah non, puisqu'il va pas consommer le mariage. Donc non. Je me casse pas la tête. Et tu divorces après, quoi? Tu trompes, tu vas au mariage, toi? Oui, je vais au mariage, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, elle me trompe, j'y vais jamais. Gestal, t'es marié? Bien sûr. Depuis combien de temps? Alors là, non plus. Je suis marié deux fois. C'est vrai? Divorcé deux fois. Et là, la prochaine. C'est la troisième. C'est pas vrai. Mmh. T'as fait des contrats de mariage? Ah ouais, un Suisse, il se marie pas sans contrat, mec. Ah ouais? Les gars, vous avez... Non, mais sans déconner. Ouais. Non, mais c'est une obligation, je te conseille. Ah bah bien sûr, évidemment. Non, vous avez guetté cette histoire là? Les contrats de mariage, c'est-à-dire que les mecs ils se marient, ouais, mais ils font signer à leur meuf ou la meuf est signée au mec comme quoi tout ce qu'il y a avant qu'ils se marient. Ça va, c'est chacun sa peau. Mais évidemment, alors moi au début, j'avais des a priori. Moi, un meilleur ami a fait un contrat de mariage à son mec quand même. Donc le mariage, c'était assez gênant.

pour vous faire passer la soirée de l'année sur Énergie. Et oui les amis, on est avec vous et Sylvain parle contrat de mariage. Oh non non, ça fait peur ça. Parle même, moi j'ai dit que je me marierai pas moi. Ouais voilà, il parle même pas de mariage. Non, non, non. Mais dis pas ça. Non sérieux, c'est pas un truc. Non mais Jason, t'étais célibataire jusque quand? Voilà, comment ça hier. Ah non mais je me suis marié la première fois, j'avais 19 ans, après je me suis marié il y a 11 ans. Et puis aujourd'hui, voilà. Ça coûtait cher tout ça, hein? Ça coûte cher. Voilà. Mais ça coûte moins cher quand tu fais un contrat parce que tu sais que. Bah attention, Maëlle est là et elle veut réagir. Ça va? Ça va Maëlle? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonne année. Bonsoir Maëlle. Oui, je voulais dire quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui a la fortune. Et ben, tu peux te, du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec rien, ce qui m'est arrivé. Ah ouais. Au bout de 24 ans de vie commune, j'ai quitté le domicile avec mes enfants et je me suis retrouvée avec rien. Il m'a rien donné. C'est ce que je disais. Ah ouais. Je suis repartie à zéro comme une jeune étudiante, quoi. Une main devant, une main derrière. Bah, bravo, parce qu'après 20 ans, c'est pas facile. Hein. Ouais. Mais avec quoi? Avec un contrat? 24. Non, comment? Non. Avec un contrat ou sans contrat? Non, sans contrat. Ouais. Mais le truc est le même quand même. Hein. Ah ouais, à la fin, t'as zéro. Parce que quand tu as bossé pendant 24 ans avec ton conjoint, avec ton mari, et que t'as fait d'énormes travaux sur la maison pour l'agrandir, pour qu'elle soit mieux, et que tu te retrouves avec rien. J'ai même pas eu 20 centimes après le divorce, quoi. Voilà. Mais comment ça se fait que t'es rien eu? La loi, elle est comme ça. Si tu ne te protèges pas avant, la loi est comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a même plus jurisprudence par rapport à la femme qui décide de rester à la maison, d'élever les enfants, de s'occuper des enfants. Donc, libère du temps pour l'homme de créer sa vie. Et aujourd'hui, la loi change, et heureusement. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, voilà. Vous avez un contrat pour se protéger. Tu peux rajouter des articles. Ouais, mais contrat, c'est pour se protéger aussi, mais pour se défavoriser aussi. Non, faut pas le voir comme ça. Faut pas le voir comme la ça. La pauvre, regarde, elle repart. Mais elle avait pas de contrat. Ouais, mais elle aurait fait le contrat. Son mec, il aurait dit t'as rien au début, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire. Tout ce qu'ils ont construit, elle aurait parti. Ouais, avec une partie. Et là, elle a rien. La maison. Tu crois à ça, Maëlle, toi? Comment? Tu crois à ça? Si au départ, t'avais fait le contrat, t'aurais. Non, je pense, avec contrat ou sans contrat, j'aurais rien eu. C'est la banane. Parce que c'était une famille très riche, ils ne m'aimaient pas, et je n'aurais rien eu, et effectivement, je n'ai rien eu. Pendant 24 ans, ils ne m'ont jamais aimé, sa famille a eu. Ouais, mais c'est souvent le cas, malheureusement. Et je trouve que les femmes sont très mal protégées dans les mariages, je le dis. Tu vois, il y avait une chose que j'avais. Je m'étais protégée quand même quelque part. C'est qu'avant qu'il commence à parler de divorce, j'ai pris moi un autre logement pour avoir un toit pour mes enfants au cas où du jour au lendemain ils me foutraient dehors. Ouais, t'as anticipé. Ah ouais. Et du coup, t'as protégé tes enfants. Ouais, donc de août 2009 à juillet 2011, j'ai pris un logement que j'avais aménagé. J'y allais le week-end avec mon bébé parce que c'était la galère à la maison. Mais franchement, Maëlle, c'est une maman courageuse. Ouais, et surtout, moi, je le dis, hein, je leur dis, Sarah, je sais que t'as une asso pour les femmes. C'est ça. Les nanas, elles trinquent dans les mariages souvent. Ah, bah, les nanas trinquent surtout quand elles font le choix de rester au foyer, d'élever les enfants et qu'au final, elles travaillent pas, elles ont pas d'entrée d'argent. Ouais. Bah non, c'est pas quantifiable. Maëlle, on va te faire un cadeau, tu vas choisir. On a des casques Boss, des coffrets, des Wonderbox. Tu choisis ma poulette, on te fait un gros bisou. Merci d'être venue, Maëlle, vraiment. Je vous embrasse et bonne année à tous. Salut, Maëlle. Continuez comme ça. Bisous à tous. On t'aime, Maëlle d'amour. Les amis, il y a pas mal de dos à voir ensemble. Sylvain, ouais, il est temps de te confier. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'as quel âge là maintenant? 38. Ouais, j'ai 38 là. 38 ans, tu as passé sous la houlette de J-Style. Mais pourquoi que tu vas te dire pourquoi t'es célibataire. Bah, Sylvain. Non, je vois que J-Style va lire dans tes boules, tu vas baisser le poids. Tu peux tomber sur une boule noire, attention. Hein. Non. C'est qu'elle aurait trop souffert. On va lire dans tout ça, on se met happy. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Pour les 10 heures d'antenne sur Énergie. Eh oui, les amis, le on est là. Le Rico Show fête avec vous le nouvel an. De 20h à 6h du matin. J'en peux plus, déjà. Je n'en peux plus. On est là jusqu'à 6h du mat. On fait toutes les news de l'année là, que vous avez kiffé. Sarah, t'as une news que t'as retenue, toi? Il paraît que t'en as une. Année. Non, mais c'est vrai, à part tes vœux sales. Sarah, raconte-nous. Alors une news que j'ai retenue, bah, la Brinks. Ah ouais, c'était le camion qui a laissé les billets. Ah ouais, raconte. Alors en fait, c'était un camion de la Brinks qui a laissé s'échapper plein de billets dans le camion. Je sais pas si t'en as. Ouais, sur l'autoroute, tu pars. Et tout le monde s'est rué pour attraper les billets. Chose que moi j'aurais pas fait personnellement. En fait, il y a un transporteur de fonds au state. Le mec, il a laissé la porte ouverte. Il y a 500 000 dollars qui sont échappés sur l'autoroute. Les mecs se sont arrêtés, ils ont carambolage. Tu m'étonnes. Et ils ont pris le blé. Mais bon, c'est juste pour payer la franchise derrière, quoi, parce que tu imagines, ouais, tu cartonnes ta voiture derrière. Ça dépend. Tu peux ne pas cartonner les billets de combien. Quand est-ce que vous avez fait une bonne affaire financièrement? Moi, j'ai eu de la chatte quand je suis arrivé sur Paris. Tu sais, quand tu prends un logement et tout, que tu galères un peu, il y a des aides qui sont proposées en France. Voilà. Et en fait, moi, j'étais là et tout, je galérais. J'avais même pas fait de la radio encore, c'était il y a 7-8 ans. Et je savais pas, moi, au début, qu'il y avait ces aides-là. Et j'arrive, je leur dis, ouais, et tout, ça fait 6 mois que je suis dans un logement, je sais pas quoi et tout. Et là, d'un coup, ils me disent quoi? Ben écoutez, monsieur, on vous verse 6 fois 350. Ah oui, mais c'est la vie. Ouais. La classique, gros, j'étais trop content. Virement direct. Ah ouais. Je fais les restos, les cils, là, et tout fumé, mais ça fait plaisir. Ouais. C'est énorme. Ça, t'as déjà trouvé de l'oseille un peu pompier. Ah non. T'as une chemée à trouver. Bah, ils viennent dessus. Non, mais ça me fait penser à cette histoire. Je crois que c'est à Charles de Gaulle, un mec qui fait le ménage, qui rentre dans une pièce. La pièce est ouverte. Il y a un sac, il le prend. Et il y a des bifetons pour je sais pas combien. Il y a 300 ou 500 000. C'est même un SDF. C'est un SDF. Et il repart avec et ils l'ont jamais retrouvé. En même temps, moi, je suis keuf, sincèrement, avec toutes les merdes que t'as, les assurances qu'ont les banques, le pauvre SDF qui a pété à 500 000. Franchement, je vais pas le serrer. Je laisse partir. Bien franchement, il y a tellement d'autres choses à faire. Tu vas pas serrer un mec, tu vas pas mettre toutes tes forces sur un mec qui a pété à 500 000 euros à une banque qui sent. Franchement. Pour un mec qui a pas la clé. Ouais, c'est ça. Il a ouvert, il a pris un sac, il s'est dit bon. Franchement. Non, mais la vanne de l'année. Ah, c'est énorme. C'est incroyable. Moi, je me rappelle, j'étais au camping avec mon daron, j'avais 12-13 ans. On nageait dans l'océan. C'était vers justement Anglette et tout. Et il avait trouvé 200 balles dans une vague. À la crêperie, dans on l'avait fait sécher, on s'était fait un resto. Bah ouais, non. Énorme. Et c'est pas toujours meilleur quand c'est gratuit. Franchement, c'est un autre goût, je trouve. C'est un bonheur. C'est énorme. Ce soir, on boit des boissons gratuites, tu vois. Allez, on est là jusqu'à 6h. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Yeah, nothing breaks like a heart. The cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, is blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken On parle jusqu'à 6h, on vous file des cadeaux, ouais. 0800 70 42 48. Vous avez suivi le buzz de l'année là ou pas? À part Boubacar. C'est quoi? Non, Jeanne Calment. Ça vous parle ou pas? Ah ouais, l'ancienne. Il y a 122 ans. Ouais. Elle est morte à 122 ans. Mais là c'était la doyenne en fait, ouais. En France. Mm-hmm. Hein, la personne la plus âgée C'est pas Sarah, qui est décédée. Non, mais c'est pas une vanne. Non, mais Sarah va la rejoindre, j'en suis sûr. Mais en fait, il y a un bail qui dit qu'en gros, elle aurait échangé. En fait, Jeanne Calment serait morte, en gros, vers ses 60 piges. Elle aurait échangé avec sa fille vers ses 30 piges. Non. Quoi? Non, mais ça vient de tomber. C'est très sérieux. C'est très sérieux, je vous explique. Ouais. En gros, Jeanne Calment, à 60 piges, elle était avec son mari. Ouais. Okay, elle décède. Elle était blindée. Ouais. Et du coup, son mari, il avait des frais à payer sur l'héritage de sa meuf qui était Jeanne Calment. Ouais. D'accord? Et donc, pour ne pas payer cet héritage-là, il l'aurait en gros enterré en faisant passer sa femme pour sa fille. Oh là là. Et en gros, il aurait dit à sa fille de passer pour sa meuf. Mais et comme ça, il ne paye pas de frais d'héritage sur l'héritage de Jeanne Calment qui était blindée. D'accord? Donc, elle est morte à 92 ans. Donc, en gros, elle serait morte même à 60 piges. Et donc, du coup, la Jeanne Calment qui serait la fille serait morte à 90 ans et non 122 ans. C'est et énorme. Jeanne Calment qu'on a pris pour la doyenne, ouais. En fait, la fille de Jeanne Calment. Oh, ça vient de tomber. Comment c'est sorti ça? Ben en fait, c'est sorti pourquoi? Parce que t'as des Français qui ont prouvé ça et t'as un Russe qui a dit non, c'est pas possible. Elle a pas les mêmes oreilles ni la même forme du menton que les photos qu'on a eues et il y aurait un flou sur deux années précises. Wow. Donc aujourd'hui, c'est le grand débat entre ceux qui ont validé le record, comme quoi Jeanne Calment aurait 122 ans, et la théorie du Russe qui dit que c'est un mytho. Quoi. C'est génial. Ouf. Ah ouais. Donc c'est hyper chaud. Tout le monde est dans le flou, les gars, je vous dis. Ah ouais, il y en a ouais. qui disent qu'en gros, effectivement, ils ont été échangés, et il y en a qui disent que c'est du mytho. Moi, je trouve ça ouf. Non incroyable. Moi, Jeanne Calment, j'ai toujours cru que c'était la daronne des darons. Bah ouais, ouais. Mais c'est même pas, on a cru, c'est, on nous a toujours dit ça. On a ouais. toujours entendu, on a jamais entendu le contraire, tu vois. Mais c'est un truc. Non, mais tu te rappelles les vidéos? Mais oui. Alors, Jeanne, ouais. l'autre est là. Elle est dans sa tête. C'est un gros mytho. Elle était née en 1800, elle est morte fin des années 1900, quoi. Ouais. C'est un film. C'est ouf. C'est ouf ou pas? Ah ouais, mais et on sait pas, il y a deux écoles. Soit vous croyez la version du gars qui dit ça, et en même temps, le mec qui a validé le record dit oui, mais ça aurait parlé dans son entourage. Attention, après, c'est les Russes qui disent ça, donc ouais. Voilà. C'est un peu jaloux, tu crois? Ouais, je pense aussi. Attends. Pourquoi il y a un Russe qui approche du record? Bah, peut-être, tu vois, il y a peut-être une Ruskov là-bas. Non, mais 122 ans, déjà, c'est énorme, ça me paraît fou d'arriver jusque-là. C'est impossible. Donc on sait pas, vous en pensez quoi? Franchement, moi, je sais pas, mais je pense que après, si vraiment le mec il a truandé, ça prouve un truc. C'est que à chaque fois on finit par se faire choper. Ouais, mais en gros, c'est ça, le truc. La théorie du mec qui a validé le record, ils disent attends, la meuf, du jour au lendemain, elle est devenue la fille du mec à sa femme. Il n'y a personne dans le village, c'est l'endroit qui a jacté. Ouais, ouais. Et donc, c'est ça qui décrit le truc. Ouais. En même temps, 122 piches, ça paraît long. Ouais, faut. Non, c'est trop 122. Oh, tu sais qu'il paraît, hein, il paraît qu'il y a des bourgades en Chine où il y a des mecs qui vivent bien plus longtemps et on n'arrive pas à savoir leur âge. Ouais, ouais, mais les Bogdanov. Les Bogdanov. On ne sait pas quoi. Ah, ouais, si, 206 d'après eux. Incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. 146 ans à eux deux. Non, moi, ça m'a fait cogiter. Non, mais ça va. Mais j'avoue, c'est ouf. On vit dans mais un après, monde. Ouais, c'est vrai que tu te dis, à un moment donné, si la fille, elle a pris l'identité de sa mère, il y a bien quelqu'un, je sais pas, peut-être qu'elle avait un mec, peut-être qu'elle avait ci, elle avait des copines. Je peux pas ne pas en parler. Et surtout, généralement, tu passes la fille à la meuf de ton rêve. C'est glauque. Ah, c'est crado. Mais la pécho après ou après, pour la thune, tu es capable de tout. Hein. Est-ce qu'elle était blindée à ce point, là, Jeanne Calment? Moi, j'ai jamais su qu'elle était blindée. Pareil. Mais elle faisait quoi déjà? C'était une tennisman, c'est ça? Non, c'est une meuf qui était la plus vieille de. Ah bon? C'était ça son métier. Non, mais moi j'ai le souvenir qu'elle faisait du tennis, Jeanne Calment. Elle était pas championne de tennis. Avec ses sœurs. Jeanne Calment et courir à Agassi. Non, mais rien à voir. C'est plus grave. Toi, t'as un sacré gazon, toi. Amélie Mauresmo. Je sais plus. Après, nomme leur vin, elle pète les plombs. Grave. Ah ouais. Allez, vous venez, les amis. 0800 70 42 48. On vous attend. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Energy. It's music only. It's a fine day, people open windows, they leave their house. Just for a short while. Just for a short while. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Embrasser sous le Guy. Bah Guy, t'étais pas au courant, c'est mon deuxième prénom. Bonne année à tous sur Énergie. 0870 42 48, j'en ai rien à foutre. Je pars sur le jingle, vous venez, l'appel est gratuit. On respecte rien. C'est grave. On a Kevin qui est là, ça va Kéké? Ouais, ça va, impeccable, et vous? Bonne année. Salut, la bonne année Kéké, bonne neuf. Bon alors, ça va ou quoi? Ah bah, pleine forme. Voilà. Impeccable, ouais. Bon. Tu sais, la conversation, c'est pas quoi dire. Kevin, quoi de neuf? Eh ben écoute, j'ai passé une soirée pourrie. Mais alors, pourrie, mais non, pourrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh. Ah ben en fait, je mixais une soirée là et on m'a demandé du musette, quoi. Des mus... Ah bah c'est sympa. Attends, il y a J-Style qui est DJ. On t'a déjà demandé des DOS un peu ripou. Mais grave. Patoche, non? Un petit peu de patoche. Non, mais quand les mecs ils savent pas qui est derrière les platines, ils viennent te demander un peu tout ce qu'ils ont dans la tronche. Ouais. Donc, ouais, effectivement. Oh, les sardines, non. Donc là, les musettes pour lui, parce que seulement, non, moi c'est Aya Nakamura. C'est pas mon délire, non. C'est pas... Ah, j'écoute parce que mon fils ça le fait délirer, mais là on parle de professionnel, de le jouer, toi. Non, non mais. T'es non, en mais pleine phase house comme ça, et t'as pas Aya Nakamura? Un petit Dja Dja, non? Un petit Dja Dja là. Ah non. Tu mixes pas là-dessus, non? Non. Attends, J-Style et c'est minu là sur la chanson. Ah, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, je joue pas ça. Non, je respecte. C'est super, même produit. C'est, ça fonctionne, donc on peut que respecter. Il y a un problème générationnel sur Aya. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème relationnel avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Avec tout. Mais c'est normal, j'ai 47 ans, je me reconnais plus là-dedans. Ah, ouais, d'accord. Ouais, plus du tout. Moi, la musique, c'est vraiment de la house, du disco house, du rock house, enfin, tout ce que je joue un peu ce soir. Ça non. Non, mais par contre, beaucoup de respect. J'ai jamais fait la moitié de ce qu'elle a fait en thune et en prod et en vue. Donc bravo. Ah bah, ça veut rien dire. Hein. Et toi, Kevin, t'es au bout. T'es au bout. Ah là, je suis au bout. Ouais. T'aimes pas la. Non, t'aimes pas toi? Ah non, mais attends, puisque le jeu, t'as rien à Camoura, merci quoi. T'as quel âge, Kevin, toi? Rien à Camusette. Non. Ah non, bah moi, c'est plutôt électro, ou tu vois, c'est comme ça. Ah ouais, mais comment ils s'appelaient? C'était qui les mecs un peu électro à l'époque là? La Tectonique? Ouais, il y avait qui? Non, pas la Tectonique. Un DJ? Français? Ouais. Daft Punk? Non, mais Sinclair, Guetta, il y avait qui encore? Justice? Garrix, il y a Feder, il y a Laurent Wolf, Antoine Clamaran, le daron français, c'est Antoine Clamaran. Il joue en Amérique du Sud, il arrête pas, il joue tout ce qui est tribal, tout ce que j'ai joué au début de mon set là, c'est son truc. Tiesto aussi, très fort. Ouais, mais lui pas français. Ah non. Mais on peut parler de Tiesto. Mais en français, ouais, Antoine Clamaran, il y en a eu beaucoup. Il y a Feder aujourd'hui, il y a Petit Biscuit, on en parlait, Kungs. La petite merveille française, petite perle. Il est bon, Kounz. Ah oui, en A. Roman Couder, j'en reparle un petit peu. Qui, Roman quoi? Roman Couder, frère de Bouder. Non, c'est un petit jeune. Je te ferai écouter, C'est un jeune français parisien, mais c'est une tuerie. JM vient de me dire qu'il a du coude. Il a pas dit ça, j'aurais pas osé. Offenbach, t'en penses quoi, Offenbach? Très bien, Offenbach, c'est génial. C'est deux mecs qui se sont mis à avoir des idées, qui sont produits, puis regarde aujourd'hui. Nouvelle génération. Hein? Nouvelle génération, c'est nouvelle génération. Mais c'est bien parce que c'est un tout petit peu, il y en a pour tout le monde. Offenbach, il y a 5 ans, on a monté une fête de la musique ensemble. Ah ouais? Dans un arrondissement, c'est quoi, le 14e? Dans le 14e, on a monté une fête de la musique, on était jusqu'à 30 000. Énorme. Non, mais je vous jure, un vrai truc comme ça au hasard. Mais déjà avec Offenbach? Offenbach, il y a 5 ans. Ils n'étaient pas connus, nous non plus. Je te jure que c'est vrai. Wow. 50, je crois même. 50 000, je crois. 50 000? Non. Et on nous dit 50 000 en vrai. On dit 50 000. On nous dit 50 000. Et ben, je suis pareil qu'il y a 50 000 poudres. C'est ça. Kevin, courage, tiens bon la barque. Ici où, Santiano? C'est quasiment ça, les musiques, quoi. Oh, sympa. Kevin, j'ai une Wonderbox. La compile de Patoche. J'ai des casques Boss. C'est Patoche et Tutti Quanti, quoi. J'adore Tutti Quanti. Mon père, il dit ça avant d'aller au lit. Ouais. Il me dit, tu brosses les dents et Tutti Quanti. Mais non. Il me disait ça et au lit on dort. Au lit on dort. Mon père, il me dit, on va au lit on dort. Ah ouais. Et quand il y a la lumière, c'est pas Versailles ici. Ah ouais, c'est relou ça. Il y avait quoi Versailles. Ah ouais, non, mais t'as raison, il y avait quoi encore? Bah, pareil, quoi, tu fermes pas la fenêtre. Ah, hein? Tu chauffes les rues ou pas, toi? Ah, tu sortais jamais ça? Ah non. Oh, il a souffert le gars. Par contre, ma mère. Ah, ouais, ma mère, elle me disait ça, tu chauffes les rues toi? Non, moi pour la bouffe, elle me disait, tu vas chez Plumeau. Ah ouais, ouais. T'as pas connu le fameux Plumeau? Oui. C'est un enfoiré qui a une plume. T'as pas connu ça? Non. Et quoi encore, Kevin? On n'est pas les Rothschild, moi, il me disait. Ah, les Rothschild. On n'est pas les Rothschild. Macron, il a bossé chez Rothschild. Ouais, Macron a bossé chez Rothschild. Kevin, tu disais quoi? Moi, j'ai eu droit à tout ça. Ma mère, je sais pas, elle nous a tout sorti. Ah, mais t'es du sud, Kevin, t'es d'où toi? Moi, je suis de l'Aveyron, moi. Ah, c'est l'Aveyron, bon, bah, c'est pour ça, comme mes darons. Mes darons, ils m'ont sorti la panoplie, frère. Ah ouais, ouais. T'es pas transparent. Ouais. Ah ouais, grave. Ton père, il est vitrier. C'est toi, mon père, tu es pas vitrier. Et quand tu mettais les coudes, ton père, il est aviateur. Ah ouais, c'est ça. Tu travailles chez Airbus, quand tu prends trop de place à table. J'ai pris des calottes quand je mettais pas les mains sur la table. Ah ouais. Mais non. Ouais. T'as pris ces calottes? Bah oui. Mais jamais. Les mains sur la table. Ah ouais. Mais moi, je mangeais dans mon lit, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Oh, la princesse. Ah ouais, moi, c'était moi. Tu prenais des calottes, non? Ah ouais, mais des coups de fourchette, moi. Et des coups de fourchette dans le dos. Des coups de louche en terre. Là, t'es là, on dirait Gervais dans Zola. Ah ouais, c'est taverné. C'est vrai, Kevin, je prenais des louches, mon frère. C'est vrai. Ah ouais, non, mais je te jure, quand mangeais de la soupe ou quoi, que je faisais le con, bam, un coup de louche. Ah, c'est misérable. Non, mais même, Kevin, vous connaissez cette phase où vous avez eu un mot à l'école? Ah ouais. Votre père, il est pas rentré. Ouh. La daronne, elle a lu. Vous savez pas si elle va dire à votre. Oh là là. Et il est posé sur la commode de l'entrée. Ouais. Et tu fais tout pour qu'elle le dise pas. Elle le dit pas. Mais elle le dit pas en général. Mais toi, t'es dans ta chambre. Et ton père, il t'appelle. Ouais. Non, le père, il fait des allers-retours dessus, tu vois. Il regarde pas, enfin, tu vois. Ouais, il sait pas s'il va te taper. Ouais, ouais. Il sait pas s'il va sortir après, la ceinture. Finalement, il met la boucle. Oh là là. Ah, c'est laid. Vous rappelez de ces fans? C'est horrible. Putain, les darons d'avant, c'est plus les. Hein. Ah ouais. Ils étaient méchants. Ouais, mais. Non, sérieux, Jessa, t'as pris des coups de ceinture, toi. Par ma mère, moi j'ai pas du père, mais non, par ma mère. Mais la daronne. Ah ouais, ma daronne. La daronne, c'est pire, elle te prend au bras de fer, ma mère. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Ah, c'est daronne, ouais. Elle m'attendait. Une petite marque un petit peu pas bonne revenant de l'école ou une connerie faite. En plus, elle dit, tu dis rien. Tu dis rien. Ah, non, je dis, c'est mon frère, on est jumeaux. C'est lui. Ah, il a un dos, mon frère, il a un dos. Quand il est parti à l'armée à 18 ans, il a dit, vous avez fait tout ça, vous? Et j'ai dû dire, non, en fait, c'est moi. C'est sérieux. Ah, et toi, JM, tu prenais des. Vite fait, moi, en fait, mon père, il me faisait déjà très peur. Ah, mais je crois que c'est. Mais c'est vrai qu'en même temps, son père, moi, je l'ai vu, il est charismatique. Ah ouais? Non, c'est ouais. Vrai, il a une tête, on dirait De Gaulle, son rep. Ouais, ouais, non, je te jure, c'est. Ma mère, c'est daron arménien. J'ai jamais eu le père de JM? Non, JM, son père, c'est De Gaulle. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va faire un appel à tout moment, il va falloir se réunir. C'est pour ça que je l'appelle en FaceTime. Franchement, il est charismatique. Et tu vois, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu un peu peur de lui, tu vois, j'ai jamais voulu le décevoir. C'est-à-dire que toi, t'as été intelligent, t'as su qu'il allait te mettre la armée. Mais de ouf. Et une fois, j'ai insulté ma soeur et ma mère, elle lui a dit. Oh et j'ai, mais je sais pas, je vais avoir genre 6-7 piges, tu vois. Ah ouais. J'ai sorti genre, je l'ai même pas. Et dit l'insulte, je l'ai épelé. À moitié. Ah, moi, je l'ai épelé. Et ça a suffi. C'est une S-A-L. Et là, j'ai gros, je te jure, et j'avais 6-7 piges. Et là, ma mère, elle a dit. Tu as dit quoi? Et là, mon daron, il est rentré. Oh là. Là, j'ai pris des coups de babouche. Ah de babouche. Là. Depuis la cicatrice d'Harry Potter. Ah ouais, de ouf. Et après, là, je me suis dit, putain, en fait, mon daron, faut pas que je me rate avec lui. Et de ouf. Mais vraiment, le regard. Le regard. Bah, non, mais oui. Son père, moi, je l'ai vu, charismatique. Moi, c'est le regard du daron. Ouais. C'est ouf. Autant ma mère, elle courait après ma soeur pour lui attraper les cheveux. Quand c'est la misère, je te jure. Ouais, ouais. Vous avez jamais vu le martinet? Non, ça. Ouais, non, ça, le martinet. Bien sûr, j'en ai pris des coups. T'as racheté les ficelles du martinet, à la fin, je prenais le bâton via les ficelles. Ah, ouais. Yeah. Ouais, je les coupais les ficelles. Mais non. Bien sûr, mais attends, t'es malade, toi. Et depuis, il sort en club libertin. Il a adoré ça. Soprano sur NRJ. Alléluia, alléluia. Hermano Soprambaba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc. Oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées. Mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, c'est Yézou, zou, zou, comme Diego dans. Rihanna. Naya. Ah, jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la Honda. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Non-stop sur énergie. Vous venez, les amis, nous raconter votre sortie de boîte. Sylvain, ah ouais, curieux, 0800 70 42 48. Il n'a pas pu danser. Ah, il veut savoir c'est un peu chaud, moi. Pas danser. Bah, c'est pas trop tard, Sylvain, après là, à 6h. Tu... Ouais, j'ai un after. Hein. C'est vrai, ouais, j'ai. Mais là, attention, J-Style et DJ, aller en boîte à 7h, est-ce risqué? Non, ah, ça non, dépend lesquels. Non, non, non. Mais d'ailleurs, je lance un appel, parce qu'il y a plein de potes qui t'écoutent. Appelez les gars, appelez, je veux savoir comment ça s'est passé, ouais, chez vous, donc ah les, oui, résidents ou les guests. Les guests, ils sont sûrement là sur le retour pour aller dans les hôtels. Et puis les résidents, ils doivent sûrement passer la main à un petit jeune. Donc ouais, appelez-nous, je suis vraiment très curieux de savoir comment ça s'est passé. 0800 70 42 48, l'appel est gratuit. Romain veut faire un coucou. Ça va, Romain? Oui, comment va? Salut Romain, quoi de neuf? Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bah ouais, c'était pour faire un petit coucou, ça a tenu toute la nuit, donc c'est cool. Ah bah ouais, on est là. Hein. T'as fait quoi, Roro? Bah j'ai roulé. Non, je suis au boulot, bah ouais. Bon courage. Ouais, je bah ouais. Non, mais tu bosses un jour férié, tu fais quoi, hein? Mais il est routier, je crois. Ouais, bah, je suis routier, ouais. Je fais. Ils vous font charbonner? Ouais. Ah, vous charbonnez jour férié? Eh ouais, tous les jours, faut bien ramasser. Mais t'es quoi, t'es en frigo, t'es en quoi? Non, non, c'est bâché, des citernes. Ah, citernes. Ah, ah ouais, ouais, des citernes de lait? Oh là là. Ouais, mon camion remorque, ouais. Non, bah, merci à tous les ramasseurs d'ailleurs. Non, mais merci à tous ceux qui bossent, ouais, ouais, franchement, pour nous faire kiffer, parce qu'il y a toujours une minorité, malheureusement, qui travaille. Je dis malheureusement pour eux, parce que j'imagine que Romain, t'aurais préféré être en famille, non? Ah oui, c'est sûr. Bah, forcément, ouais, mais bon, j'ai préféré choisir le jour de l'an, je savais que vous étiez, donc c'est cool. Ah, ah, amour, c'est franchement, chaud, ça fait plaisir, moi. Ah, ça tient tous les soirs à chaque fois, donc c'est le top, quoi. Sauf le week-end, amour, ça fait chier. Mais on va bosser là-dessus. Pourquoi pas le week-end avec Sylvain de chez, oui, de chez lui. Ah, top, du TX, ce soit interdit au moins 18, c'est ça. D'une boîte, ouais. Avec lui, ouais. Oh, t'as enquis à quelle heure? Comment? T'as enquis à quelle heure, là? T'as démarré à quelle heure? À 6h hier soir, ouais. Oh putain, wow, 6h du soir? Et 18? Et ouais, hein. Et là, j'arrive dans 20 minutes, tu vois. Donc, pour vous, heures, la fin, pour moi aussi. 18h, oh, 6h. 12h, putain, mais. Et ouais, on a pas de, y a pas de législation dans le lait, on roule, y a pas la carte à tenir. Ah putain. Ah bon, mais... y a pas de carte, ouais. Ah ouais. Il alors, pas... y a pas de carte, on a pas d'heure à respecter dans, mais le lait, ouais. Non. Putain, mais c'est ouf. Il est pas caillé après le. Ah ben, il le fait chauffer. Ah ouais, je sais pas. Non, mais Mororo, ouais, t'es une bombe de mec, on va te faire un cadeau. Dis-moi ce que tu veux, Mororo. Je vais te dire, j'ai des enceintes, j'ai des, ouais, Wonderbox. Tu veux quoi, mon poulet? C'est quoi les Wonderbox? Wonderbox, en gros, c'est une box où tu choisis deux jours avec tes proches, tu pars en week-end, tu kiffes. Ah, carrément, je prends ça, ouais. Ça te va? Tu veux plutôt sportive ou jour de rêve? Oh. Ah, jour de rêve. Ouais, allez, bam, ouais, ça tombe. Toi, t'as une meuf, toi, Roro? Eh ouais, carrément. Ah bah écoute, tu vas pouvoir la tremper dans le lait. Avec ton lait. Ça va être bon. Eh, hey, mais Roro, une question. Cool. Ouais. Est-ce que ton, ouais, lait, tu l'achètes? Ah ouais, bah comment? Tu l'achètes ton lait ou pas? Ou c'est ah du bah temps non, et du camion pas, du coup. Ah bah non, c'est bon, j'en transporte assez. Hein. Et tu fais quoi? T'ouvres un peu la citerne? Ah ouais. Bah c'est ça, ouais, il y a un petit tuyau et du coup j'en prends. Ouais. Voleur de lait! Il siphonne du lait quoi, il siphonne du lait. Il dit que ça soit du lait quoi, du coup, mais bon. Non, on prend celui de Sarah, mais bon, il est moins bon. C'est dégueulasse. C'est très bon. Il faudrait que Mehdi la remette enceinte, il n'y a plus grand chose. C'est horrible, c'est dégueulasse et c'est horrible. Romain, raccroche pas, on te fait ton cadeau. Merci mon poulet, on t'aime fort. Super cool et continuez comme ça. Et puis bah merci pour ce que vous faites et gros bisous quoi. On t'aime mon Roro. Je t'embrasse. Ouais, nous moi aussi. Ciao, merci. Bisous. Vous avez déjà bossé le jour de l'an l'équipe? Bah oui, ouais, déjà plein de trucs dans des petits bars ou quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait là, tu peux un peu picoler quand t'es derrière le comptoir et ça te coûte zéro quoi. Tu passes la soirée tranquille et là voilà, tu fais un peu la bringue parce que serveur. Il y a des bons plans, même si des fois ça fait un peu. Voilà, c'est un peu dur. Mais le jour de l'an, c'est bon, il n'y a personne qui te contrôle, tu fais la fête et c'est ouais, bon. Ouais, c'est. Bon, c'est pas mal. Toi, Sylvain, le jour de l'an, t'étais policier? Non, portier, policier, j'ai fait. Ouais, ouais. Non, en tant que police, t'avais bossé. Ah oui, les 30 ans, j'en ai fait. Hein. Ah ouais, t'as mis le garde-à-vue des mecs? je me suis mis en garde-à-vue aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Avec quoi, avec une nana? J'avais tapé un mec. Non. Mais non, en tant que policier? Ouais, ouais. T'as été radié ou pas, rassure-moi? Ouais, j'ai pris un blâme encore. Non, ouais. Encore 31? Encore. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu 15 blâmes. Attends, en tant que policier, ouais. T'as mis sur la tronche un type? Bah, j'ai eu la main un peu lourde, on va dire. Les gars, moi, ce que j'aimerais, si des policiers nous écoutent, ouais. Appelez-nous, vous resterez anonyme, c'est promis. Ouais. 0800 70 42 48. 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. On vous veut pour partager l'anecdote de Sylvain qui arrive là, mon gars. Sauver l'honneur. Putain. Elle est belle, la police, mon Sylvain. La police française, n'est-ce pas? Il va vous raconter. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. vont vous accompagner jusqu'au petit matin. Vous venez d'entrer dans une émission exceptionnelle sur Énergie. On est avec vous les amis sur Énergie jusqu'à 6h. Je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et c'est le Rico Show sur Énergie de 20h à 6h, plus que 20 minutes. Wow. Et Sylvain nous raconte une anecdote complètement folle. Oui. Mon Sylvain, concernant le fait que tu étais policier. Oui. Hommage à la France déjà qui t'a embauché. Voilà, tu étais fonctionnaire de police. J'étais pas fonctionnaire, j'avais un contrat avec mon sport et la Fédération française de judo et le ministère de l'Intérieur. Donc en fait j'avais un contrat. Quelle année? C'était 2000 jusqu'à 2005. D'accord, sous Sarkozy, très bien. Exactement, ouais, 5 ans, ouais. Oh, j'ai gueulé pendant 5 ans. Mon Dieu. Donc en fait c'était. Donc t'étais un policier. Ouais, en fait j'étais considéré comme policier, mais je faisais une vacation par semaine, tu vois. Le reste du temps je m'entraînais. Une journée par semaine. Une journée par semaine. Et le reste je m'entraînais. Uniforme, flingue. Ouais, j'avais tout, hein, la panoplie, toi, t'avais le port d'armes. Ouais, j'avais le port d'armes et tout. T'allais à Grande Vadrouille. Ouais, j'avais un 765 à l'époque. Je veux l'étoffe, moi je veux voir l'étoffe. Ah ouais, moi aussi. Et j'ai défilé d'ailleurs au 14 juillet. Merde, c'est vrai, Sur la tête de la mer. Il a défilé. Sur la tête de la mer. C'est qui le président? Bah, c'était 2005, c'était Chirac. Ouais, Chirac. Mais non, t'as défilé. Ouais. Je te jure, j'avais, en plus, je me rappelle, c'était encore les cassettes. T'as défilé? Les cassettes VHS là. Je fais mourir. Et j'ai défilé, j'étais à 78 là. 2005, les cassettes VHS, t'étais ouf ou quoi? Non, 2000. Ouais, 2000. Ouais, on était déjà dans le numérique. Bah mec. Oui. DVD. Ouais, non, mais j'avais une. Ouais, je te jure. Sur le Fuzul, ça a mis du temps à venir. Ah oui, c'est vrai. Et je m'entraînais à Satori. Ah, c'est vrai, chez moi là-bas. Ouais, sur les pistes. Les pistes. C'est là où il y a le JG, non? Exactement. Oh, d'accord. Donc je m'entraînais là-bas et après j'ai fait le 14 juillet. Et qu'est-ce que t'as foutu le 14 juillet? C'est lui qui est tombé. J'ai défilé sur les Champs-Élysées là. Tu faisais quoi sur le défilé? Bah, je marchais là en 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je te jure. C'est l'année où ils se sont rentrés dedans. Ouais, c'était l'année dernière ça. Putain, mais c'est ouf. Tu dors une de ces têtes de con. Oh là là. Ouais, j'étais pas mal. Belle uniforme. Et du coup, tu nous racontais anecdote. Et du coup, à l'an 2000, quand il y a eu le gros l'an 2000, le 31, c'est le fameux en 2000. Ouais, passage. Le passage d'un siècle à un autre siècle. Donc, là, c'était un peu la foire à l'empoigne, quoi, on va dire. Et c'était sur les champs. Moi, je travaillais beaucoup sur le 16e, 8e. Oh là, t'as mis des bourre-pifs. Et en fait, un jour, sorti de boîte, il y a un mec qui m'a. Mais toi, tu faisais quoi là-bas? Patrouille? Ouais, je patrouillais avec les collègues, tu vois. Moi, je travaillais la nuit. Et en fait, une fois, il y a un mec qui m'a manqué de respect, tu vois. Et donc. T'as dit quoi? Neuneu? Non, je sais pas ce qu'il m'a dit. J'étais un peu. En plus, non, j'étais t'avais pas bu au service. Oh là. Non. Mais c'est quoi ce policier? Mais pas dire. Mais fallait pas le dire, ça. On a tous compris. Hein. Me dis pas que la police. Ah bah ouais, on a fêté l'an 2000 comme tout le monde, quoi. Non, c'est grave. Donc, non. Je vais une petite baudruche derrière le. Non. Oh là. Donc en fait, d'accord, une petite baudruche, quoi. C'est pas vrai. Ouais, rien de méchant. Ah, donc, okay. Forcément, fois, quoi. À 5h du mat', on était un peu méchés comme ceux qui sortent de boîte. Où va la justice française? Où va la police? Oh là là. Du coup, t'étais policier à cette époque-là? Ouais, j'étais policier. Combien de temps que t'étais policier? Bah, ça faisait pas longtemps, ça faisait 6 mois. D'accord. Et t'es resté 5 ans? Ouais, je suis resté 5 malgré ans. Tout ça? Ouais, 5 ans. Ouais. C'est et grave. Du coup, eu un petit bourre-pif. C'est quoi l'histoire? Bah, un mec qui sortait de boîte. Sa gueule me revenait pas. Il a voulu faire le grand. Voilà, il a fait le petit avec moi, quoi. Mais c'est grave, on est pas au quartier là. Il a voulu faire le grand. T'es un policier, merde. Oui, non, mais c'est sûr. Mais il a parlé à ma mère. Et... Mais le gamin. Un keuf va voir le gars. Tu dis pas nique ta mère et tu le tabasses. Sauf que ce mec-là était. Gendarme. Fils d'un avocat. Oh putain. Oula, oula. Et voilà, c'est ça le problème. Et couché avec sa femme. Et j'ai eu un appel à midi. Je me rappelle. Le lendemain, midi. 12 heures après. Enfin, 4 heures après. Il t'avait retrouvé. Non, c'était le commissaire du 16e qui m'a appelé. Monsieur Potard, vous êtes convoqué à 14h dans mes locaux. Oh purée. Et là, bah, forcément, bah, le mec en question avait porté plainte et voilà. J'ai fait. J'ai pris sa place dans la garde avant. Changement, monsieur l'arbitre. Voilà. Numéro 12. C'était un relais, quoi. On a fait un petit relais, ouais. Ouais, c'est et sûr. Et ça finit comment? J'ai eu un blâme. Après, voilà, j'ai écrit. Et t'es resté quand même 4 ans et demi après dans la police. Ouais, comme quoi, tu vois. Parce que t'étais sérieux. Non, mais bah après, j'ai fait attention. Voilà, je me suis rangé un peu. Et voilà, quoi. Merci, Sylvain. Puis j'ai. Comment dire? J'ai représenté la patrie avec le sport. Merci de ce témoignage voilà. poignant. Et à la fois choquant. Romain est là, ça va Romain? Ouais. Salut mon gros. C'est toujours le même que tout à l'heure. Ah bah raconte-nous quoi de neuf depuis. Il faut que je débauche les loulous. Ah bah écoute, courage, on t'embrasse. Bisous. Photo, bonlé. Eh ouais, non, c'était, on m'a dit d'attendre, c'est pour ça. Ah bah écoute, ah oui Steph, prends-le pour un petit cadeau, on va te récupérer. Kev est là, ça va Kev? Oui, bonsoir mes amours de ma vie, ça va? Oh, c'est Kev. Ça va mon Kev? Wow. Oui, bonne année, je vous aime trop, bisous. On t'aime mon Kev. Bisous. Bisous. Je vais vous raconter quelque chose. Vas-y. Je sors de boîte là de nuit. Ouais. Et à peine je mets mes lunettes des lunettes à LED en fait qui s'allument dans la boîte de nuit. Et là il y a une fille qui arrive vers moi, je peux les essayer. Elle commence à danser avec moi. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Hein. Ah, voilà. Ouais. Ce soir là. Oui, ce soir, j'y crois pas mes yeux, je suis en stress, j'ai même du gloss encore qui est resté sur la bouche, alors bon. Ouais, tant que c'est sur la bouche. Voilà. Et franchement, c'est une bombe atomique, oh là là, je suis tombé amoureux, là, ouais, ça y est, elle m'a même donné son numéro à la fin de la soirée. Tu couches après une boîte avec crush, un numéro du crush. Et là, je vais me faire une soupe aux choux, et puis je vais, voilà. Une soupe aux choux. Il régale. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est pas trop bon de rentrer avec le numéro de la meuf que t'as surkiffé. Oui, mais en général, en soirée, tu tombes amoureux. Moi, je suis déjà tombée amoureuse de mec. Le lendemain, les faits étaient tombés. Je le vois pour boire un verre, je déchante. Le mec me dégoûtait. Ouais. Il faut faire attention. J'aime. Et là, la question, c'est quand est-ce qu'il doit envoyer un message? Est-ce qu'il doit faire le mec? C'est pour ça que je stresse. J'ai peur de l'envoyer. C'est pour ça que j'ai pensé pour toi. Voilà, il y a plusieurs écoles, donc je pense qu'on va en parler. Une journée après. Ouais, normalement, moi je pense qu'il ne faut déjà pas le faire en rentrant. Ça fait trop le mec. Merci de ton conseil. Ça dépend ce que tu veux marquer. Ah oui, si. Tu ne dis pas, je vais te pécho, mais tu peux lui dire ce que tu as. Est-ce que tu es hier? Non, j'espère que tu es bien rentré. Même ça, je pense. Ah oui, je vais lui dire que je suis bien rentré. Non, que tu espères qu'elle est bien rentrée. Il est non, non mais c'est une bonne question. Ouais. Moi tu sais, moi je suis fan du petit mot en mode papier. Ouais, j'adore aussi. Tu sais ou quoi? Ouais, c'est quoi ça? Si tu laisses un petit mot en partant. Papier, tu vois ce que c'est? Non mais ça se fait plus maintenant. Tu laisses un petit mot sympa, tu sais, ça marque le coup. Faut trouver le stylo, faut trouver le papier. Et l'orthographe. Ça fait plaisir de vous en parler de bonheur. Mais on t'aime, Kevin, t'inquiète. On est là. Non mais c'est vrai. Moi aussi, je vous aime. Moi je pense que le lendemain, même sans envoyer un message, bien rentré, patati patata, le lendemain c'est pas mal. Pas le lendemain à 8h, si on va se dire c'est un. Mais tu vois, le lendemain, fin d'après-midi. Voilà, tu peux lui redire tiens, j'espère que tu es bien rentré, belle rencontre, blablabla. Ou sinon, je prends la photo du suçon qu'elle m'a fait dans le cou. Quoi? Non, t'as fait un suçon. C'est bon, c'est plié, ça c'est mort. Là, ça veut dire que c'est bon pour toi, poteau. Tu peux essayer de la faire à tout le monde aussi, j'avoue. Ouais, écris tout de suite. Écris tout de suite. Et rejoins-la. Surtout, signe de ton blase, parce que si elle l'a fait à tout le monde dans la boîte. Et en plus, elle m'a offert un verre. Ah ouais. C'est elle qui m'a proposé un verre parce que j'étais tout seul assis. Voilà. Et les lunettes, elle les a gardées ou tu les as toi? Eh ben, elles ont plus de piles, voilà. Non mais Kevin, moi je vais dire une meuf qui m'offre un verre en soirée. C'est classe. C'est comme tu décris, fonce. Oui. Fonce. Et café sur son. Eh ben oui. J'attends qu'elle appelle. Non. Faut pas que malheureusement, ça soit toi qui envoie un message. Bah attention, moi je te racontais un truc, Kev. Il m'est arrivé un dos de ouf, j'étais en soirée, il y avait deux meufs. Mais vraiment, une meuf qui était une bombe, mais genre prototype, tu sais, un peu stéréotype. Un peu comme Sarah, oui. Voilà, un peu. Merci. Gentil. Et à côté, il y avait une autre meuf, mais qui me plaisait. Et en gros, j'ai dit à un pote, dis à cette meuf de venir la meuf que je kiffais. Et c'est la meuf qui était le prototype, un peu. Oui. Tu vois, le truc stéréotype qui est venu. Et je lui ai dit, non, c'est pas toi. Oh, j'ai osé. Alors que la meuf, c'était la bebon, mais tu sais, que tu vois dans les magazines, un peu, truc, voilà. J'ai dit non, c'est ta pote. Et je me suis crédibilisé par ça. Et du coup, la nana, un peu comme toi, elle est rentrée direct peu dans le vif du sujet. Ouais. Et derrière, écrit tout de suite, frérot. Tout de suite, là. Bien sûr, je valide. Et après, franchement, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. C'est pour un moment. On s'en fout, c'est le nouvel an. Je lui ai envoyé mes messages. C'est pas de faute. C'est pas de faute. T'as eu un coup de cœur, fonce. Tu peux te cramer, au contraire, à pas écrire. Ouais, aussi. Ouais. Parce que la meuf, elle va se dire, ah putain, en fait, il cherchait juste une meuf pour une soirée. T'as payé un verre, t'as laissé un verre. Pas grave. Elle est faute d'orthographe. Les fautes d'orthographe, attention. Ouais, pas de faute. C'est dégoûtant. C'est important. J'espère que c'est le bon numéro que tu t'es pas. Je suis un connaisseur. À mon avis, cette génération, elles sont battues. Ouais, c'est vrai. Tu fais des fautes, Kevin? Oui, beaucoup. Putain, ah, ouais, bon, ça, bah, les fautes, c'est. Fais attention, ouais. Moi, j'ai, la correction automatique sur le portable. Ah, ouais, mais des fois, c'est là. Si c'est toi qui l'as fait la correction, t'es mal barré. Sylvain, il était sur les marches à Cannes pour les NMA. Il a dit quoi? Je suis sur les marches. Sur les escaliers. Non, sur les escaliers. Non, t'as pas fait ça. J'avais vu quelque chose sur énergie. Voilà. Eh, hey, t'as son number, on l'appelle. Vas-y, on l'appelle tout de suite en direct. Ah ouais. Oh non, non, non. Ah si, allez. Mais si. Oh non, non, non. Elle va mal le prendre, elle va mal le prendre. Ouais, ouais. Il vient de rencontrer une gonzesse qui kiffe. On va lui cacher son plan. Et la femme de Sally, mec. C'est la femme de Sally. Ouais, par contre, demain. Il va nous détester. T'es où, Kevin, là? T'es où? Je suis chez moi. Mais où? Dans quelle ville? Dans le 82. Ah ouais. Grisole. Tarn-et-Garonne, non? Mais la campagne. Vous avez un abonnement avec le sud-ouest ou quoi? Ouais, grave. On les aime. Eh ben, écoute, j'ai pris un taxi pour aller là-bas. Et elle, elle est voilà. Où? Tu sais où aller? Tu sais d'où aller? Je sais. Non, elle m'a pas dit la ville. Ah, elle fait quoi dans la vie? J'espère qu'elle est du coin, gros. Et je n'ai même pas posé cette question. C'est vrai que dans le sud, c'est ça qui rebute. Tu n'as pas parlé un peu avec elle? Ça, c'est dur des fois. Un petit peu, pas beaucoup. Ah, ouais, ah oui, d'accord. C'est, ouais. C'est grand, le GR. Ouais. Ils avaient la bouche. Elle a dit qu'elle avait des problèmes avec son ex, et voilà. Oh là là. Ah, ouais, ouais. Ah, t'en as parlé, hein? Oh, elle m'a dit, j'ai besoin de me changer les idées ce soir. Ça, c'est pas bon, ça fait gaffe. Mais j'ai peur que le mec, après, il le prenne mal. Mais on s'en fout, poteau, putain, tu viens de dire que t'as rencontré la femme de ta vie. C'est son ex, c'est tout. On sent que JM, il a souffert. Elle a pris. Tu entends ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, ouais, j'ai peur. Oui, mais poteau, pense à toi. À un moment donné, c'est bon, pense à toi. Kevin, oui. Bouge pas, j'ai une solution pour toi. Oula. C'est quoi, dis-moi. Je vais te le dire. Sois patient, je suis pas ta meuf. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. On est avec vous, les amis, jusqu'à 6h. Ouais. Plus que quelques minutes à peine. Kevin oui. Est tombé amoureux ce soir. Ah. La soirée du nouvel an. Kevin, oui. J'ai la solution. Alors, dis-moi. Je vais t'offrir un coffret. Oh le Wonderbox. Bâtard, c'est énorme ça. Tu vas partir 3 jours. 3 jours de rêve en France. Et tu vas inviter ta meuf. C'est un peu trop tôt, non, pour faire ça. C'est un peu tôt. Invite ton ex. Ah ouais, voilà. En tout cas, je te l'offre. Si j'offre un cadeau dès le premier pas, et tu fais kiffer, tu fais grossisme. Mais même, tu peux l'utiliser pendant un an, ces trucs. Donc, au pire, te presse pas. Franchement, tu prends pas la tête. Et au bout, tu y allais pour les 2-3 premiers mois, je sais pas combien, tu feras un truc. Au pire, t'amèneras ta mère. Je vais essayer de lui dire. Je vais tout lui dire. Tranquille, tranquille pour toi. Ok, raccroche pas. C'est très gentil. Emric, je t'aime trop. T'aimes aussi, mon Kevin. Et ma Sarah, je kiffe tes photos. T'es vraiment super belle. En fait, t'es plus belle que sur les photos. Ah, c'est voilà. Gentil. Il a collé les pages. Tu l'as vu quand, Kevin? Sarah, je l'ai vue sur Instagram et en vrai, ça, sur les vidéos en direct, ça se voit qu'elle est plus belle que les photos. Ah, t'es mignon. Alors tu filtres très grave. Non, mais elle est mieux sans filtre. Elle a pas besoin de maquillage. Elle est déjà assez belle comme ça. T'es trop chaud. On t'embrasse, voilà. Kevin. Bisous, mon Kevin. Bisous, merci, Emric. Et Potard, je te kiffe et j'aime aussi. Merci à toi. On t'embrasse. Quel con. Bisous, gros bisous, je vous aime. Bisous, mon Kevin, on t'aime. Il y a Georges qui va finir l'émission. Ça va, Georges? Bonjour, Rico. Ça va, mon Georges? Salut, mon Georges. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bonne année, tout le monde. Ça va, bonne année. Bonne année, frérot. Bonne année, Georges. Bonne année, mon Georges. Je suis content de t'avoir, Rico. T'es un chic. Nous aussi. Ah, t'es mignon, mon Georges. T'as quel âge, Georges? Non. Je te jure, moi je te promets que je suis type. Tu vois, je suis non-voyant. Mais je te vois encore autrement que les autres personnes. T'es un chic type. Ah, c'est mignon. T'es quelqu'un de bien parce que je t'écoute tous les jours. Quand t'as fait tes 45 heures et tout, même quand t'as pris ta douche, je me rappelle de tout. Et je peux même me dire, j'ai aimé, parce que vous gardez tous vos racines. C'est ça que j'aime chez vous. Et j'ai aimé. Merci. Surtout j'ai aimé ce combien de personnes qui t'a appelé et puis qui t'a dit qui t'avait vu un câble avec ta princesse et ton père qui voulait t'approcher pour pas te gêner. Et tu lui as dit t'as eu tort toi et lui, viens avec vous. C'est là que tu vois, tu gardes tes racines. C'est bien un gros. C'est une bonne. C'est important les racines. C'est gentil, mon Georges, on t'aime pas. Franchement, il est hyper aimé. Ouais, il est chaud. C'est touchant, Georges. On va te faire un petit cadeau, le dernier de la soirée, il est pour toi. Merci, mon Georges. Franchement, c'est hyper touchant. S'il te plaît, Rico. S'il te plaît, je suis pas vrai, je suis pas gentil. Tu me connais pas et je te connais pas. Mais j'arrive à lire dans toi. Pour moi, t'es ma canne blanche tous les jours. On m'a rendu comme ça, mais t'es ma canne. T'es ma raison, amour. C'est gentil, mon Georges. Eh, franchement. Waouh! Hein? C'est touchant! Ouais. Georges, je te prends hors antenne parce que je dois rendre l'antenne. Voilà, il m'a tué. On va le prendre hors antenne, ok? On va parler tous les deux. Franchement, c'est hyper touchant de finir là-dessus. Merci, les amis, franchement. Oui. Merci, JM. Non, merci à toi, merci, Rico. Merci, J-Style. Merci, Sylvain, Sarah, Benjamin. Merci à tous. Victor, Sorge, Romain. Merci Steph, merci Rémi, merci Thibaut, merci Romain, merci tout le monde. Merci Guimbert, c'est un tueur. Merci à toi, Rico, aussi. Merci à toi pour l'invitation ce soir, c'était merci top. Et je vous souhaite à tous vraiment du bonheur pour cette année parce que vous êtes une équipe de ouf et j'ai passé une nuit, mais comme ça, ça fait clac-clac et je regarde le 6h. Je vous kiffe, les gars, je vais vous écouter maintenant.